Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Et il est impossible de commencer cette émission sans vous souhaiter une excellente année 2021, les copains, du lundi bonne soir année sur Indestar. Bonne année! Ouais, ça explose dans tous les sens! Ouais, tout cool. Le bonheur du monde, bien évidemment, pour cette. Oui, alors ça c'est Sinsemilia, oui, j'ai reconnu référence avec des bandes musicales, mais oui, mais pourquoi pas, on les a un petit peu oubliés, hein, Sinsemilia, mais on le remet sur le devant de la scène, complètement. Bon, est-ce que toute l'équipe d'Indestar va bien en tout cas? Je vais poser la question à Laura, tiens par exemple, comment vas-tu? Ça va nickel, je suis contente d'être de retour à la radio, ça faisait un moment, j'ai l'impression que c'était l'année dernière. Ça c'est la bonne vieille... Bravo Bravo du grand-père ou de l'oncle, tu vois. C'est ça. Et bon, à l'année prochaine, hein, prochaine, c'est demain. Oui, évidemment. Bon, t'as passé des bonnes fêtes. Année, hein. Je l'ai pas eu cette année, la blague de l'année prochaine. Eu ah bah c'est bien, c'est bien. Moi je l'ai fait une deux fois. Non, je... Je toi, c'est pas l'oncle relou en fait. Ah, c'est moi l'oncle relou, évidemment. Évidemment. Et aux passions blague nulle. C'est ça. Martin, comment vas-tu? Bah très bien aussi. Pareil, très content de retrouver toute l'équipe. Ouais. Et puis de retrouver aussi ce petit rendez-vous du soir deux fois par semaine. Et en plus, Martin s'upgrade cette année puisqu'il n'est plus stagiaire. Voilà. Il devient un vrai bénévole. Martin est bénévole. Bravo Martin. Il a monté le niveau. On peut toujours gravir les échelons et un jour Martin prendra la place de Théo et là ça sera évidemment la guerre. Évidemment, ça sera la guerre totale. Je m'en fous, je serai plus là pour le voir. Comment va Nono? Alors c'est son pseudo sur Discord parce que je rappelle qu'on est à la maison et qu'on fait nos émissions par Discord, sauf Teddy qui est dans le studio. Nono qui est Jolan. Comment va Jolan donc? Ça va très bien. Salut Nono. C'est vrai. Et Jolan, tu as passé des bonnes fêtes? Ouais, très bien. Tout s'est bien passé. On en reparlera de manière plus approfondie tout à l'heure, évidemment. On fait un petit récap des cadeaux qu'on a eus, par exemple, ou de comment se sont passées les fêtes, si on a des petites anecdotes, parce que je sais qu'il y en a, qu'on a des anecdotes croustillantes. Bien salées. Bien salées, ouais. Ouais oui, bon, toi, de toute façon, t'es salé tout le temps, t'es dit. Ah, clairement. La question. Tel un bretzel. Tel un bretzel, effectivement. Comment ça, il est salé? C'est... Bah ouais, il a mangé trop de sel, tu vois, c'est du sel de Guérande, Laura. En fait, ouais, voilà. L'eau salée dans ses... Je vis dans du sel. Je le voyais plutôt fleur de sel. Fleur de sel. Oh, c'est beau, c'est poétique. C'est le gros sel, tu sais, c'est pas la petite fleur de sel, c'est le gros sel bien gras qui te bouche les artères, là. C'est la baleine. Bon, Teddy, ça s'est bien passé les fêtes? Ah, bon, bah, un peu trop de sel, je dirais, à bon goût. Mais bon, à part ça, je suis encore en vie. Ça va, t'es toujours debout. T'en vas dire. T'affrontes 2021 avec optimisme. Oh putain, attends, c'est un mot qui a disparu de mon vocabulaire. Avec survie, on va dire. Quoi. Ouais, voilà, avec survie. On va y aller, on va essayer d'arriver jusqu'à 2022. Ça sera pas mal. C'est un bon objectif, effectivement. C'est le premier objectif de 2021, c'est d'arriver jusqu'à l'année d'après. Et comment va Prudentia, alias Audrey? Prudentia, alors mon personnage en GN, pour l'instant, est en stand-by puisque. Nous ne savons pas s'il y a plus de GN. Reprendre les GN. Nous avons normalement un inter prévu au mois de mars, mais alors. Ouais. Je pense un inter, que un intermarché, un inter. Oui, un inter. Oui, exactement. Alors un inter, c'est un jeu intermédiaire entre les gros jeux. Donc on se regroupe entre copains, mais un plus petit nombre. Mais on est déjà 50 dans notre groupe. Ah oui. Ça va faire beaucoup. C'est un groupe. C'est plus petit nombre, mais c'est pas. Dans notre GN, on est sur le. Pour ceux et celles qui connaissent, on est sur le Conan. Et sur le Conan, c'est un GN à 1000 joueurs. Et donc il y a plein de petits sous-groupes dedans et notre sous-groupe comporte 50 personnes. Mais du coup ça va être un peu rapide pour cette année, je pense. Enfin j'espère que non, mais je croise les doigts fort. Bah malheureusement effectivement mars, nous sommes tellement proches maintenant et la situation évolue tellement lentement que on peut se poser des questions. Ouais. On ne sait pas ce que ça va devenir. Peut-être êtes-vous en département couvre-feu 18h ou 20h de toute façon. Il y a pour l'instant on est comme ça. Peut-être qu'on sera reconfiné, on ne sait pas. Mais on va essayer d'être optimiste cette année, de se dire que 2021 va être une meilleure année que 2020 avec moins de confinement à l'intérieur. Ça serait déjà pas mal. Et un petit peu plus de liberté. Et plus de restaurants, ouais, et plus de radios en studio pour rejoindre Teddy, plus de tout ça, de partage avec vous. Par contre, bon, le partage continue évidemment même pendant cette période difficile. Hein, ce soir, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, nous envoyer vos petits messages. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et puis, vous pouvez écouter cette émission en direct jusqu'à minimum 23h, émission à la maison, ou en podcast si vous avez loupé un bout ou que vous devez aller vous coucher ce soir parce que demain, c'est très très tôt au réveil. Peu importe, en tout cas, vous avez une vingtaine de plateformes sur lesquelles vous pourrez écouter cette émission. Donc, il n'y a pas de problème, on est là partout, tout le temps, avec vous. Même quand on n'est pas là, on est là. C'est ça qui est bien. Et vous pouvez remarquer qu'en 2021, Théo est toujours aussi blablateur. Hein. Bavard. Oui. Bavard. C'est une de ses bonnes résolutions. Est-ce que ça serait pas une bonne résolution à prendre? Je sais pas. J'y réfléchirai pour les années ultérieures. Ce n'est pas ma bonne résolution du jour. Ma bonne résolution du jour, je vous en parlerai à la fin de cette émission. C'est pour ça qu'il va falloir rester jusqu'au bout. Attention, mais quel suspense. Exactement. Tout le monde veut savoir. On parlera des bonnes résolutions de chacun de toute façon puisque c'est le thème de cette émission. Par contre, je voulais commencer par un petit quiz justement sur les résolutions. J'ai 7 questions, donc on va faire à l'ancienne, c'est-à-dire comme en 2020. Je vais prendre une petite feuille. À moins que t'aies une petite feuille où tu veuilles compter les points, t'es dit, je sais pas. Ah mais attends, j'ai mieux qu'une petite feuille. J'ai toujours nos T'as fameuses. Un écran numérique. Ah oui, mais non. Tu as quoi? Oui, mais non, j'ai les ardoises Velleda. C'est pas possible. Ah, une ardoise. Attends, bon, ardoise, doucement. Okay. On est resté au 20e siècle là pour le comptage de poids. Vise pas trop quand même. C'est pas grave. Bon, cette question, donc, ouais, sur les bonnes résolutions qu'ont pu prendre les Français cette année et nous peut-être aussi. Et on a donc en joueur Laura, Martin, Jolan, Audrey et puis bien sûr Teddy. Donc à vous les studios. Première question. Faire une activité sportive en 2021 a été une bonne résolution prise par Jolan. Non, ça c'est pas une proposition, mais tu nous en parleras tout à l'heure, Jolan. Par 7% des Français, parce que de toute façon avec les confinements c'est pas possible. Par 37% des Français sportifs, mais pas trop quand même. Ou par 57% des Français, après c'est toujours ce qu'on annonce après les repas de fin d'année, et combien seront tenus, on ne sait pas. Donc à votre avis, combien de Français on se sont dit je vais faire du sport cette année, plus de sport en tout cas, ou du sport tout court d'ailleurs, 7%, 37% ou 57%. Ah. Allez, vas-y, j'ouvre le bal, je monte les enchères. Allez, à 57%. Je dirais qu'il y a beaucoup de 57%. Personnes. Je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, mais qui ne le font pas. Ou ouais, pas. Attention, hein, c'est 57% des Français. Français. Hein. Ouais, ouais. Et alors moi, Jolan, je dirais 37. Moi, je dirais ouais, la réponse B. Donc 37. Ouais, 37, aussi. Tu dirais ça aussi, ouais. Audrey? Ouais, tout à fait. Et Linda. Linda. Laura, pardon. Bah, j'ai changé de prénom, moi, en 2021. Non, bah, Linda n'est pas là ce soir, mais on lui fait un petit coucou si elle nous écoute. Laura. Ben oui, moi, je m'appelle Laura. Et Laura dit 57%. D'accord, ok. Et Martin? Ben moi, j'aurais bien dit 57%, mais je vais me rabattre sur 37. Ah. D'accord, à la majorité, quoi. J'ai l'impression que ça faisait chanter. Non, il y avait égalité jusqu'à ce que Martin tranche. Il y avait égalité. C'est Martin qui a tranché, ouais. Et Martin a choisi la bonne proposition. Oh non. Puisque c'est 37%. Ah ouais. Les gens sont pas. Même en prenant des décisions, ils sont pas si courageux. Oui, après, c'est peut-être. Non mais c'est à mon avis on est proche du score de 57%, voire même peut-être un petit peu plus si on fait par rapport à ceux qui ont pris des bonnes résolutions. Mais là c'est bien 37% des Français. Donc voilà. C'est pour ça que je tenais à souligner le français. Ah, c'est pour ça, ok. Je pensais que c'était juste une question de chauvinisme. Tu vois, c'est les Français qui non, parlent même pas, petite dame, même pas. On n'est pas comme ça chez Indestar. Deuxième question. Dans quelle région les Français sont les plus désireux de pratiquer une activité physique pour cette nouvelle année 2021? Est-ce que, pour vous, ce sont les Pays de la Loire, l'Île-de-France ou le Grand Est? Le Grand Est, ils en auront le bol d'être confinés, je pense. Il n'y a pas la région Centre-Val de Loire dans laquelle nous sommes partis ici. Audrey, tu dirais le Grand Est? Ah ouais, les pauvres, ils doivent en pouvoir. De plus en pouvoir, c'est eux qui ont pris cher tout le long. D'accord. Et qui continuent à prendre cher. Ah bah, ouais, couvre-feu à 18h, ouais. Enfin, ça s'étend jusqu'en région centre, hein, mais et puis dans le Var aussi. C'est dans le Loiret en ce moment, je crois. Oui. Ça vient par chez nous, et puis c'est aussi dans le sud, hein, de la France. Mais les pauvres, les premiers, ils ont été pointés du doigt et tout en mode shame. Bah oui, parce que forcément, ça arrive de l'est, donc c'est comme les Allemands. C'est à l'époque. Ça fait interdit de faire des trucs comme ça. Non. Bah c'est vrai, ils n'arrivaient pas d'ouest. Hein, est-ce qu'on a le droit au point Godwin? Non. Beaucoup trop vite le point Godwin. Alors Jolan, tu dirais quoi? Du coup, moi je dirais Indre-et-Loire. Non, c'est pays de la Loire. Il y a pas de département, c'est une région. Par contre, ça n'a pas changé par rapport à 2020. Ils n'écoutent toujours pas ce que tu dis. la région, c'est les pays de la Loire, l'Île-de-France ou le Grand Est. Pays de la Loire, du coup. D'accord, pays de la Loire. Martin, tu dirais quoi? Pareil, pays de la Loire. Ok, Laura. Pays de la Loire. Teddy. Franchement, je vote pour les Parisiens parce que je voilà. Je l'île les vois bien de France. Ouais, c'est vrai que les Parisiens, c'est l'île de France. Je trouve que c'est trop évident. Ouais, mais moi, justement... c'était ma première idée, mais c'était pas la bonne réponse. Bonne réponse, c'est les Pays de la Loire. Ouais. Ouais. Je viens des Pays de la Loire, d'ailleurs. Moi aussi. Je viens des Pays de la Loire. Ah oui. Donc, eh ben, on a une Pays de la Loireuse. La Loire qui est avec nous ce soir. Bravo Laura, vous avez gagné le premier prix. Donc 43% pour les Pays de la Loire, 40% pour l'Île-de-France et 39% pour le Grand Est. Ah, ils sont pas loin. Il n'y a pas une différence de ouf non plus, ouais. Hein, mais voilà, quand même. Question suivante: quelle est la bonne résolution qui a cartonné cette année? Est-ce que c'est manger moins gras, passer plus de temps en famille ou travailler moins? Putain, elle est dure. Je vous laisse réfléchir, c'est pas évident. Waouh, c'est très philosophique tout ça. Et je vais poser la question à Laura. Mais parce que j'hésite un petit peu sur la famille, parce que il y a une partie de la population, la famille, mais genre ils se la sont coltinés une grosse partie de l'année. Ouais. Deux confinements, ouais, tu m'étonnes. Et une autre partie, justement, des gens qui étaient un peu plus confinés en solitaire et qui disent putain, mais j'ai trop envie de revoir ma famille. Mais donc, c'est un peu quand tu l'as, t'as plus envie, et quand tu l'as pas, t'as envie d'en avoir. C'est totalement ça. Mais ouais. Je vais dire, attends, c'était le gras, la famille et manger moins gras, passer plus de temps en famille ou travailler moins. Ah, travaillez moins. Travaillez moins pour toi, Laura. Ok, c'est validé. Nous avons Teddy. Oh bah, personnellement, je me sens pas dans travailler moins vu que déjà c'est déjà pas très productif. Tu hein. Ah, j'ai un doute de tes possibilités. J'ai un doute. Je vais dire le gras parce que vu qu'on a fait confinement, on a bien mangé, on a fait les fêtes, on a bien mangé. Enfin, en théorie. Ouais. Et après, tu dis ouais, je vais faire mieux en 2021. Ouais, peut-être. Je dirais que ça a bien cartonné. Ouais, ça me plaît bien. Ouais. Martin, tu dirais quoi? Je dirais voir plus ses proches. C'était la deuxième, c'est ça? Ouais, passer plus de temps en famille, ouais, c'est ça. Ouais, bah, je pense que c'est ce qui a manqué le plus aux gens cette année, donc. D'accord. Très bien. Audrey? J'ai la même réflexion que Laura et Martin, mais je dirais quand même changer, enfin, le temps de boulot, parce que le télétravail, ça a beaucoup changé les mentalités, tout ça. Donc, moi, je voterai pour la troisième. D'accord. Je pense comme les deux autres, mais je vais voter pour la 3. Non, mais je suis d'accord avec Laura quand elle parlait de la différence entre le travail et, oui, et la famille. Mm-mm. Ok. Et enfin, Jolan? Moi, je rejoins Teddy. Bah, toi, on t'entend plus trop d'abord. Moi j'ai mangé gras du coup. Voilà. Ah, moi j'ai mangé gras. Bah, c'était la mauvaise réponse. Comme travailler moins, c'était aussi une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'était donc passer plus de temps en famille. Bonne résolution prise par 29% des Français et qui a augmenté de 8 points par rapport à l'année dernière, hein, cette année. En même temps, comment dire, situation. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, donc du coup, ils se sont dit, bah tiens, autant passer du temps avec ceux qui restent. Avec le reste de ma famille, oui. C'est ça. Et du coup, on est désolé hein, pour ceux qui est mort du Covid. Ouais, non, mais c'était hashtag humour noir. Je valide. Mais de toute façon, c'est ça, en fait. Hein, quand c'est là où tu vois que les choses sont rares et précieuses, ne serait-ce que voilà, le confinement qui nous a éloignés d'une partie de notre famille. L'idée même de ne pas pouvoir les voir à ce moment-là fait que t'as envie de plus les voir, en fait. C'est humain, en fait, ce comportement. Est-ce que ce... Ah non, c'est pas j'ai la une petite question pour toi, Théo. C'était la réponse C, la bonne réponse? C'était la réponse B, passer plus de temps en famille. Non, c'était pour savoir pour qui je mettais le point. Du coup, il y a que Martin. Non, il y a Laura aussi. Laura aussi, ouais. C'est vrai ? Non, j'ai mis le travail, moi. Ouais. Ah oui, non, voilà. Je compte très bien mes points, je suis impartial. Je suis honnête. Et Teddy, il a écouté mon honnêteté. Merci, Laura. Autant on emporte le vent. Alors, quel est le taux de réussite des bonnes résolutions prises pour l'année 2020 ? Parce que c'est ça qui est marrant. On a beaucoup de bonnes résolutions, mais combien les tiennent ? Moins 5%. Est-ce que c'est 6%, 12% ou 34%. On est quand même dans des chiffres très bas, hein, ouais, 34%, ça va, c'est un tiers des bonnes résolutions quand même. Oui, enfin, bah oui, mais c'est pas tant que ça, hein, finalement. Un tiers, ça va. Qu'un tiers des gens qui tiennent leurs promesses. Audrey ? Je dirais 6% parce que j'ai aucune confiance en l'être humain. D'accord, très bien. On va poser la question avec une autre personne qui a aucune confiance en l'être humain. Teddy ? Ah bah j'aurais bien dit même moins que 6%, mais ouais, du coup ça va être 6%, hein, clairement. D'accord, très bien. Bah, on voit que effectivement vous n'avez pas foi en l'humanité. Martin, tu dirais quoi ? Moi je dirais 12 quand même. Ah, d'accord. Il a un peu d'espoir. il a un peu plus de foi en l'humanité. Mais pas 30, faut pas déconner. Laura ? Moi je dirais 6, parce qu'il y a tellement. Il y a des résolutions qui auraient pu être tenues, mais au vu des circonstances, du confinement et tout ça, enfin par exemple. Moi, ah oui, pourquoi c'est la faute du confinement quoi. Ouais, c'est ça, enfin par exemple, moi début 2021, je me disais, mais je vais continuer à faire de multiples voyages, des week-ends par-ci par-là, oui. Bim. Non, oui. Enfin, ah bah c'est effectivement sur les voyages, ouais, on pouvait pas faire autrement. Par contre, celui qui avait dit qu'il voulait faire du sport, qui représente quand même la majorité de ceux qui prennent des bonnes résolutions. Bon, tu peux faire du sport malgré que tu sois confiné, on est d'accord. Oui, c'est sûr. Mais après, encore faut-il avoir la volonté. Et le confinement a baissé le moral d'énormément de gens. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont devenus dépressifs à cause de ça. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc c'est pour ça, moi, je vise bas. Voilà, comme ça, je suis pas déçu. D'accord. Jolan, tu dirais quoi ? Bah, je dirais 6% aussi. Ah, 6% aussi. Ah ouais, vous êtes sur des scores très faibles. Martin Caffron, mais vous avez raison. Ouais. Et ben voilà, tu vois. Ouais, ça n'a pas dépassé les 6%. Et alors, selon une enquête qui a été réalisée par Opinionway et l'Institut Solidaris, le moral des Français est au plus bas depuis 5 ans. Donc effectivement, avec les confinements, ça n'a pas fait du bien au moral. Hein. Ouais. Et qui dit moral dans les chaussettes, dit on ne se sert pas ni de ses chaussettes ni de ses pieds pour faire du sport. Voilà. Ouais, c'est la morale de cette merci histoire. Merci pour la morale. Je vais même pas te mettre un applause pour ça. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. C'est pas grave. C'est du supra. C'est du supra-pragmatique, tu vois. C'est moi du pragmatique. Très méta. Tu n'as rien perdu. À votre avis, quand est née la coutume de prendre des bonnes résolutions ? Ah bordel. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est récent ou ancien ? Est-ce que c'est né par exemple dans l'Antiquité ? En 1515, à la suite de la bataille de Marignan, ou au début du 18e siècle, à votre avis ? C'est quand même assez loin, 18e siècle aussi. Moi, j'aurais pensé à beaucoup plus récent. Ah ouais. Ou alors, je vais rajouter en 1988, quand la mère de Laura s'est mariée. Voilà. Non, je sais pas ma vie. Ce que je peux vous dire sur 2021, c'est que l'humour de Théo n'a pas augmenté, n'a pas progressé. Non, clairement pas. Et on aime ça. Je n'ai pas cette prétention. Tiens, Teddy, tu fais le mariole, con. Ouais. J'aurais bien dit 1515, mais ça sent le gros lol. Ça sent le gros lol. Là, c'est la 18e siècle. Ça me paraît pas mal. 18e siècle, ouais. D'accord, très bien. Je vais demander à Laura. Quelle était la première proposition ? L'Antiquité, la première proposition. Je dirais l'Antiquité. Voyons l'extrême. Voyons. Enfin, parce que à l'Antiquité, il y a eu énormément de courants de pensée philosophique. Enfin, avec Aristote, Socrate. Je me dis pourquoi pas. Voilà. Victor Hugo. Non. Elle fait pas prof d'histoire, hein, clairement. Oh là là là là là. J'ai un niveau Nabila en histoire. Oh mon dieu, elle est magnifique. Il est en forme cette année, hein, ça taille, hein. Bravo, bravo. Mais je l'encourage pas dans ses bêtises, arrête. Je l'avais à ton avis. Ça serait le 18e siècle, d'accord. Et Martin ? Moi je pense l'Antiquité aussi. Il me semble que déjà à l'époque, ils se souhaitaient des bonnes choses pour l'année suivante et tout. D'accord. Est-ce que j'ai posé la question ? Bah non, à t'as Audrey. Oublié Audrey. Oui, les bonnes résolutions, vraiment dans le sens le plus pur capitalisme. Le capitalisme du 18e. Allez, d'accord. Partout sur le patriarcat et le capitalisme. Eh ben non, c'était l'Antiquité. Ah ouais. Yes. Wow. Je vous raconte la petite histoire. En fait, les engagements ont été pris pour la première fois donc, par les Babyloniens, dans l'Antiquité donc. Babylone. Exactement. On a tout pas... C'est ça, c'est le capitalisme. leur religion voulait, en fait, ils promettent à leur dieu de rembourser leurs dettes et de rendre les objets qu'ils avaient empruntés, afin d'en mettre un peu les compteurs à zéro quoi, pour la nouvelle année. Donc cette pratique permettait de mettre dans l'ordre dans les relations en responsabilisant chacun. Et elle a ensuite été reprise par les Romains qui ont pris l'habitude de faire des promesses à Janus, le dieu des deux visages, donc l'un tourné vers le passé, l'autre vers le futur. Et la tradition de prendre des bonnes résolutions au 1er janvier a ensuite perduré au fil des siècles. Voilà, wow. La petite histoire historique. Très intéressant. Une petite 2000... anecdote historique. Oui, parce qu'histoire historique, c'est redondant. C'est un peu redondant. En 2019, pour les expatriés français, dans quel pays fonder une famille était une résolution à prendre? Est-ce pour vous au Chili, en Finlande... J'ai pas écouté, excuse-moi. Répète. Après. Ou aux Maldives. En 2019, pour les expatriés français, dans quel pays fonder une famille était une résolution à prendre? Est-ce que c'est au Chili, en Finlande ou aux Maldives? À votre avis. Alors, c'est comme adopter des animaux, hein. C'est pas une résolution de faire des enfants. Je sais pas. Faut y penser, les gars. Hein. Alors, oui, on est d'accord. Mais c'est les bonnes résolutions, tu peux... Oui, tu mais peux un enfant, tu ne le mets pas en route chose. Comme tu t'inscris sur une salle de sport que tu peux annuler, tu vois. Oui. Alors, faut arrêter par exemple, faire un marathon alors que t'es cardiaque, tu vois, il faut y penser oui, aussi. Mais quoi. T'as la résolution de faire un marathon, mais jamais tu vas au bout, n'est-ce pas, Théo? Bah, tu vas pas au bout parce que. Ah, il a pas la résolution du tout, hein. Et moi, j'ai pas eu cette idée-là, clairement. Donc, y a pas de ce souci. Audrey, tu dirais quoi? Chili, Finlande ou Maldives? Le Chili, c'est hyper catho, les Maldives, très religieux. Et la Finlande. Finlande, écoute, vas-y, ils doivent avoir un taux de natalité à chier, donc Finlande. D'accord, ok. On y va par déduction à la mode Audrey. Finlande pour Audrey. Jolan. On va dire Maldives. Hein. Les Maldives, parce qu'il fait beau. Martin. Moi, je dirais la Finlande. D'accord. Ok, très bien, Jean-Pierre. Laura. Moi, je dirais la Finlande parce que il y a un peu cette oh là là faire des phrases résolution 2021. Non mais en fait il y a un peu cette idéologie en fait dans les pays du Nord que il y a beaucoup plus d'accès à l'éducation, enfin beaucoup plus de choses axées sur l'enfance et l'éducation. Ouais. Et je pense que ça peut toucher une bonne partie des expatriés français. Français, madame. Il y a une explication qui tient la route, je dirais. En fait, je peux trouver toujours une explication à mes réponses. T'as vu tout à l'heure, je disais oui, c'est Socrate, mais non, rien à voir. C'est pas parce qu'elle tient la route qu'elle est bonne, hein, attention. Hein. Enfin, Teddy dirait quoi pour terminer? Moi aussi, elle va tenir la route. Je vais me fier à toi, Théo. Je vais pas dire la Finlande parce que c'est un pays froid quand même, la Finlande. Et à mon avis, il y a peu de gens qui ont envie de braver le froid. Donc les Maldives, ça me paraît pas mal. Ah. Ouais. C'est une explication qui peut tenir la route aussi. Voilà, plus qu'en Finlande, il y a de la neige, c'est plus dur. En fait, finalement. Mais ouais, c'est ça. La bonne réponse était pourtant la Finlande. Selon une étude comparative sur 187 pays et avec 18 000 répondants. Donc c'est une étude quand même où ils ont taffé. Hein. Et la Finlande, ça semble être le paradis de la vie de famille pour 9 expatriés sur 10. Donc c'est énorme. Et c'est tout à fait l'explication de Laura, puisque en fait, l'attitude envers les familles avec enfants. Déjà ce serait plus amical qu'ailleurs et le niveau d'éducation est plutôt bon donc et en plus ça, la sécurité est bonne. C'est des pays les plus heureux du monde, je crois, la Finlande. C'est le Danemark. Ouais, c'est le Danemark, ouais. Mais ça fait partie du top 5, je crois. Et c'est ça, mais c'est pas mal des pays nordiques, hein. Enfin, comme tu vois, le Canada aussi, il y a énormément d'expatriés français qui vont là-bas pour les mêmes raisons que la Finlande. Donc, ouais. Est-ce plus que la neige, plus les gens sont heureux. C'est en fait. Ça, c'est... plus il fait froid, plus ils sont heureux. C'est bien ça. Au pôle Nord, ils sont super heureux. Tellement. Et ils sont trois en plus. Hein. Ils sont trois, c'est pour ça qu'ils sont heureux. T'as intérêt à bien s'entendre, hein, parce qu'à trois, oui, c'est. Ah bah oui, t'as intérêt à bien t'entendre. Par contre, si tu boudes, tu peux bouder dans ton coin, il n'y a aucun souci. Hein. Ah, et puis t'as un tiers de la population qui boude, quoi, donc c'est chaud. Au niveau statistique, il faut faire attention. Exactement. Bah là, pour les sondages, là-bas, c'est vite fait. Hein. Alors, dernière question. Quelle est la troisième tendance des Français en matière de bonnes résolutions cette année? Est-ce que c'est dormir plus, s'amuser plus ou se défoncer plus. Ah putain, c'est chaud. Les trois, c'est mauvais pour la santé, hein, et c'est interdit. Et en même temps, dormir, se défoncer et s'amuser. Alors, pour toi, Laura, ça serait laquelle? Les trois. S'amuser. S'amuser. Plus d'amusement. Plus d'enjaillement. Oui. Teddy. Attends, il y a s'amuser ou se défoncer. Ou dormir. Ah, j'aimerais bien viser l'extrême, mais je le sens pas. Vas-y, je vais suivre Laura, la B. S'amuser. S'amuser, plus. Oui. D'accord. Qu'est-ce que dirait Jolan à cette question? Ouais, se défoncer. D'accord. L'extrême. Okay, alors, non, non, mais c'est bien. C'est fait partie des, c'est honnête, des choses c'est sincère, saines et de la vie. Nous avons Laura. Mais j'ai dû déjà répondu. Elle a dit, ouais. Mais alors j'ai confondu avec Martin. Attends, je suis tellement interchangeable. Je suis tellement interchangeable depuis le début. C'est vrai que leur voix, Martin, super. Leur voix, c'est la même tessiture, c'est génial. Parce que Martin est à côté sur mon écran, c'est pour ça. Ouais, mais j'ai une photo de profil, genre, en plus. Oui, c'est vrai que t'as une photo de profil, contrairement à Martin qui a un petit bonhomme Discord. Ouais. Alors, Martin, tu dirais quoi? Moi, je pense que les Français veulent dormir. Les Français veulent dormir, je vous ai compris. La France veut du sommeil. La France veut dormir. C'est la France qui dort. La France, c'est gens qui dorment. Je te jure. Audrey. Non, moi je veux la bamboche, moi je veux du fun, je veux de la fête, je veux des restos, je veux de la boîte, je veux tout. Je veux d'accord. Des festivals, tout son j'aille. Des larmes de sang. Ouais, je veux des festivals, je veux tout. Très bien. J'ai demandé à tout le monde ou j'ai oublié des gens? C'est bon, t'as demandé à tout le monde. Et bah la bonne réponse. Je t'ai pas demandé, Teddy? Si, t'as demandé à tout le monde. Ah oui, j'ai demandé à tout le monde. La bonne réponse était dormir plus. Ah, putain. La troisième tendance des Français en matière de bonne résolution. Mais c'est parce que les gens sont déprimés, alors ils veulent dormir pour que l'année passe plus vite. Pour oublier. C'est oui, c'est dormir ça. Pour oublier. Ah, ça a changé les. Je savais pas qu'on dormait pour oublier. Moi aussi, ouais. Bah, c'est mieux que de s'alcooliser. De se défoncer, n'est-ce pas, Jolan? Ouais. Jolan, allez, allons-y. Bon, je te défonce cette année. Hein. Allez, la drogue, c'est mal. Combien de points, Teddy? Eh ben, pour ce début 2021, il y a Martin qui a tout déchiré. Il a 6 points. Boum. 6 points sur 7. Ouais, bravo, ouais. Martin. Ça vaut des applaudissements. Voilà. Suivi de Laura avec 4 points. Yeah. Après, d'accord. Audrey et Jolan à égalité avec 3 points. Et moi, bon dernier, avec un point, franchement, il y a que ma non-foi en l'humanité qui a marché, quoi. Tout le reste, c'était fou. Ah ouais, clairement. Okay. Côté de la plaque, cette année. Et bah, bravo, Martin, et merci à tous d'avoir joué, vous êtes super. Bon, allez, on raccroche l'antenne. Vous êtes génial, comme dirait Johnny, enfin, comme il disait. Maintenant, de la musique sur Insta, avec une reprise de Avril Lavigne. Skater Boy version First to Eleven sur Indestar dans cette émission à la maison. Et dans un instant, on va savoir comment se sont passées les fêtes de Laura et comment établir des bonnes résolutions. Parce que c'est bien joli d'avoir des idées, mais encore faut-il les mettre en pratique. Réponse dans instant, juste après un presque Avril Lavigne sur Indestar. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. J'adore Avril Lavigne et j'adore cette reprise de First to Eleven. Skater Boy à l'instant sur Indestar et cette émission à la maison. La reprise, la rentrée 2021. Bonne année tout le monde, puisque c'est de tradition de le dire et on le pense fortement. Si vous avez des petits messages à envoyer, quels qu'ils soient, n'hésitez pas sur tous les réseaux sociaux d'Indestar qui sont au taquet cette année. Instagram, Facebook et puis toutes les plateformes de podcast pour écouter cette émission quand vous le voulez. Mais là, vous êtes à l'écoute en direct et vous avez bien fait puisqu'on parle des bonnes résolutions ce soir et de nos fêtes de fin d'année. Comment se sont passés, si ça s'est bien passé avec la famille, si on a reçu beaucoup de cadeaux, tout ça. Et comment s'est passé comment ça s'est passé dans la famille de Laura, par exemple? Eh bien, ça s'est bien passé, mais vous savez quoi? J'ai le chic pour travailler le jour de Noël. Ah oui, tu travailles que le jour de Noël, toi? Non, mais enfin, en fait, c'est la première fois que je travaille à Noël et en fait, j'ai été autorisée à faire du... Non, pas du tout. À faire du la télétravail. Ouais. Mais... Non, je fais pas des trucs de Noël. Non. Non, mais du coup, j'étais en télétravail, ce qui faisait que c'était assez marrant parce que j'alternais entre manger avec ma famille et monter dans la chambre pour bosser sur mon ordi, tu vois. Mmh. Du coup, c'est rude bien... de travailler le jour de Noël. Je l'ai fait, moi, quelques fois et j'avoue que c'est pff, bof, quoi. Oh, on s'y habitue. En vrai, comment dire, j'ai plutôt pris le côté positif parce que, en gros, j'ai fêté le 24 au soir déjà. Le 25, j'ai pu faire du télétravail et manger avec ma famille. Et du coup, c'était bien d'alterner parce que ça évitait les moments où tu savais plus trop quoi dire ou tu t'ennuyais à table, quoi. Donc, du coup, genre, oh tiens, la dinde est cuite dans 25 minutes. Ok, je monte. Quand il voilà. Y a le tonton et... raciste qui fait une mauvaise blague, tu te barres. Et quand c'est quelque et tu reviens pour le dessert. Voilà, non mais tu t'arranges et surtout le 26 c'est l'anniversaire de ma sœur et donc du coup ça fait comme un Noël bis parce que du coup on se retrouve encore une fois en famille, on mange ensemble, donc en fait au final je me disais bon bah c'est pas grave, je loupe entre guillemets une partie du 25 mais le 26 on se revoit en famille quand même et voilà ça fait comme un Noël bis donc je l'ai plutôt bien pris. Le 26 tu travaillais pas? Non, je travaillais pas le 26, donc au final, ça m'allait comme ça, et ça me faisait de l'argent en plus, quoi, disons. Ouais, ça... Mais après, est-ce qu'on t'a donné vraiment le choix? Pas vraiment, mais au final, je me suis pas non plus battue pour ça, enfin, voilà, je me suis dit, bon, bah, parce que mon contrat, il a démarré le 21, donc d'accord. Du coup, ça s'est fait un peu à suivre et sinon bah au niveau de Noël ça s'est bien passé tranquillement voilà il y a encore un petit peu de magie de Noël parce que j'ai des neveux et nièces et du coup j'ai des nièces qui sont petites et qui y croient encore, donc il y a un peu ce côté féerique qui est toujours là, quoi. Et la question, qu'est-ce que tu as eu à Noël? J'ai eu un tapis de yoga, mais ça je l'avais déjà avant Noël parce que c'est j'avais commandé, enfin voilà. On s'en rappelle. J'ai eu énormément de chocolat que j'ai mangé pendant la pause d'ailleurs là. J'ai eu beaucoup de chocolat, un peu d'argent. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu du thé. Oh génial, du thé. J'adore le thé. Si vous voulez me faire plaisir à un moment donné, offrez-moi du thé. D'accord, c'est noté. C'est noté. Oh, c'est beau. Je valide. De quoi? J'ai eu, c'est noté. C'est noté. Il a dit quoi? C'est noté. C'est noté. Ah oui, oui, oui. Faut voir la blague là où tu en as pas. C'est ça le talent. J'ai l'impression que j'oublie des trucs. Enfin oui, j'ai eu des livres et aussi j'ai avec mon copain, du coup, on s'est fait un cadeau mutuel de Noël. On a acheté des enceintes qui peuvent se raccorder au lecteur vinyle qui appartenait à mon grand-père. On est presque sur le point de le faire fonctionner et du coup j'ai essayé, enfin hier j'ai raccordé les enceintes au lecteur vinyle et à l'ampli, tout se passe bien, mais du coup le tour de disque ne tourne plus, et pourquoi? Parce que le ruban il est pété, parce que c'est très vieux, et du coup faut que j'aille le ruban, en fait il y a une sorte de ruban en dessous, c'est une petite courroie en fait, assez facilement, ouais. Il faut avoir la règle, c'est tout. Faut que j'aille changer ça, ouais, parce que du coup, je l'ai prise dans ma main et ça s'est filoché tout seul. Ah oui. Au bout d'un certain âge, effectivement, ça. Je suis trop pressée, enfin, parce que du coup, en fait, on a un carton rempli de vinyle et en fait, mon grand-père, il était vivant, du coup, il aimait beaucoup écouter genre du jazz, du blues, donc il y a plein de vinyles là-dessus. Il avait du bon goût. Il y avait de la chanson française aussi un petit peu, il y avait un petit peu de rock aussi, mais ça c'était plutôt la génération de mes tontons à l'époque qui avaient leur vinyle aussi. Mais du coup je suis trop pressée juste d'entendre ça, et aussi je me suis fait un cadeau de Noël personnel, j'ai un bouquin de Queen qui explique les 188 chansons de Queen. Ça explique la genèse de la chanson, comment ça a été inventé, comment ça a été produit aussi. C'est génial. Du coup, je découvre tellement de titres et j'ai juste envie de m'acheter tous les vinyles des albums de Queen. Vraiment, on rappelle que Laura est fan de Queen, hein, donc bien évidemment, ça et c'est cool d'avoir une platine vinyle. Parce que les gens peuvent acheter des vinyles, ils savent qu'ils vont forcément te faire plaisir, quoi. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça dépend quel vinyle. Si on m'achète vinyle de Kid V, je suis désolée. Si tu trouves un vinyle de Kid V. Il n'est pas sorti en vinyle celui-là, donc tout va bien, t'inquiète pas. Je suis sauvée. N'empêche, si t'as un vinyle de Kid V, il doit valoir de l'or quand même. Ça doit pas être courant, ça. Non, juste pour le fun, c'est tiens, je vais te faire écouter un petit vinyle. Et là, t'entends Tahiti au soleil. Oh là là, la misère. Ah la misère. Et t'enchaînes avec le vinyle de Jules là. Ça... Fatal Bazooka. Ah, Fatal Bazooka. Oh, ça serait évidemment. Marrant ça. Ça va ou bien? Non, ça va pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi ce qui m'étonne dans ce que tu nous as expliqué, c'est que tu avais l'ampli. Et la platine vinyle, mais tu n'avais pas les enceintes en fait, c'est ça ? Eh bien, en fait, les enceintes étaient là à la base, mais en gros, mes grands-parents sont décédés il y a 2 ans maintenant, et du coup, ma mère, en fait, elle voulait un maximum, vendre des trucs quoi, pour ensuite vendre l'appartement et tout ça. Et du coup, les enceintes, elle les trouvait trop grosses et en fait, elle les a vendues. Mais alors que, mais c'est dommage parce que du coup, c'était grave de la bonne qualité. Et en fait, on a mis du temps à trouver des bonnes enceintes, à se dire quand est-ce qu'on va se l'acheter et tout ça. Donc là, on les a enfin achetées en ce début d'année 2021. Et je suis trop contente parce que c'est une couleur bois foncé. Enfin, ça va trop bien. Ouais. Genre niveau déco, c'est trop joli en plus comme objet. J'adore. Je suis vraiment pressée de changer la courroie et pouvoir écouter le petit vinyle là, ça serait trop bien. À l'ancienne, mais ça revient vachement à la mode en plus. Hein. Les vinyles, c'est un beau support, hein, c'est un bel objet d'avoir des vinyles à la maison. Laura, tu voulais nous parler des bonnes résolutions, mais surtout des méthodes, comment on fait pour établir des bonnes résolutions et des bonnes résolutions qu'on va tenir un peu plus que dans les 6% habituels quoi, finalement. C'est ça, oui. Enfin, en fait, il y a différentes techniques à ça. Déjà, ça peut paraître un peu bête, mais il faut se fixer des objectifs atteignables pour l'année. Enfin, prendre en compte, là, malheureusement, cette année, il faut prendre en compte le contexte économique, le contexte sanitaire. Bon, tu vas pas te dire, oui, je vais faire un tour du monde. Il faut se dire déjà que c'est réalisable. Ou par exemple, il y en a qui vont se dire j'ai envie de faire du sport, de perdre du poids, j'ai envie de perdre 30 kilos en un an. Bah non. Enfin, faut revoir un peu d'une certaine manière. C'est. Ouais, et puis si t'en fais un peu trop, quoi. Et au contraire, même si on se donne des petits objectifs, à l'inverse, on peut être surpris de dépasser ces objectifs-là plutôt qu'à l'inverse se dire ah ouais mais je m'étais promis que cette année j'allais faire ça et en fait j'ai fait que la moitié. Ça c'est moins décevant dans ce sens-là. Et surtout aussi quand on se donne une bonne résolution, déjà faut que ce soit quelque chose d'atteignable, mais aussi faut faire attention à son pourquoi. Pourquoi j'ai envie de faire ça. Faut pas que ce soit une raison superficielle en mode. Faut pas que ça soit je veux prendre une bonne résolution parce que tout le monde prend des bonnes résolutions quoi. Oui, c'est ça. Et même si. Une bonne résolution pour les autres par exemple. Voilà, pas qu'il y ait une pression sociale en mode ah mais oui, mais je vais me mettre au sport parce que tout le monde se met au sport et puis c'est bien d'être musclé. Non, tu fais du sport parce que t'as envie d'être en forme peut-être ou t'as envie d'être musclé aussi, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vienne de toi et pas de la société, même si bien sûr on est toujours un peu influencé, on est d'accord, voilà, que ce soit pas une pression ou quelque chose de contraignant. Une résolution, ça doit être quelque chose qui vienne de toi. Et d'ailleurs, j'ai regardé, ça m'a intéressé de regarder la définition de résolution, et il y en a plusieurs, donc là pour notre cas précis. Tu es tombé sur du 4K, non, résolution. Oh, j'y vais pas pensé. Bravo! Non, ça mérite peut-être pas. Si. Si, c'était pas mal. J'y avais même pas pensé à la résolution 4K. Mais non, là, je vais parler d'autres types de résolutions. Donc là, la résolution à laquelle on fait référence en ce moment, c'est l'acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Donc là, il y a une part de volonté. On n'est pas sous la pression, comme je disais juste avant. C'est aussi une action de résoudre un problème, une difficulté. Enfin, c'est vrai que le mot résolution, c'est comme si, à la base, on avait un problème et qu'on se dit, cette année, je résous ce problème. Ah, c'est vrai, normalement, le terme résolution, hors les bonnes résolutions de l'année, t'es employé pour résoudre des problèmes. Il y a un problème, quelle est la résolution de ce problème, quoi ? Oui, c'est ça. Pour résoudre le problème. Oui, c'est comme tu parlais tout à l'heure de l'histoire de dette en l'Antiquité, en Babylone, c'est ça. Enfin, c'est une résolution d'un problème. Il y a une dette, et on va rembourser cette dette, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et aussi, la résolution, c'est y a un élément en physique, chimie, c'est un terme, la résolution. C'est un fait par... c'est un corps qui se décompose en ses éléments et passe à un autre état. Par exemple, résolution de la neige en eau. Il y a aussi une question de transformation finalement, le fait de se dire cette année je vais me transformer dans le bon sens, ouais. Et la résolution aussi, surtout, c'est s'y tenir. On en parlait tout à l'heure des gens qui arrivent à tenir ou pas la résolution. C'est une attitude, la qualité de quelqu'un qui ne laisse pas d'être... qui arrive à parler déjà. Qualité de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses entreprises. Donc, par exemple, montrer une résolution à toute épreuve. Il y a l'expression « résolution à toute épreuve ». C'est une sorte de preuve de notre volonté à vouloir arriver à quelque chose, en fait. C'est ça, oui, avoir un objectif sur le courant d'une année et se dire bah, « j'ai envie d'aller à cet objectif ». Mais surtout, enfin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas de pression. Enfin, je veux dire, en chaque début d'année, on se dit tous « ouais, mais il faut avoir des bonnes résolutions ». Non, c'est pas obligé d'en avoir. Oh. Et si on peut se donner des résolutions, se dire « bah oui, d'ici l'année prochaine, j'aimerais faire ci, ça, ça, ça ». Mais si ça se fait pas, tant pis. Enfin, je veux dire, il peut se passer plein de choses entre-temps, même... Je sais pas, au bout de 6 mois, tu te dis, bah non, en fait, j'ai plus trop envie de faire ça. Bah, ah c'est, oui, il faut pas se forcer à faire quelque chose qu'on a plus envie de faire, ça c'est sûr. Exactement, les envies évoluent avec le temps. Et on peut aussi se donner des objectifs, des résolutions, mais pas que pour l'année 2020. Enfin, moi, par exemple, je sais qu'en posant la question, qu'est-ce que je veux comme résolution 2021, j'ai pas d'idée précise 2021, mais j'ai des idées pour l'avenir en général. J'ai envie de voyager dans certains pays. J'ai l'envie de continuer à apprendre l'anglais. J'ai l'envie de continuer le théâtre. Mais c'est pas oui, quelque en fait, chose c'est une de bonne... cette année. Ouais, mais en fait, la fin d'année est propice. Alors, pas forcément, effectivement, à commencer une bonne résolution le 1er janvier et puis à la poursuivre tout au long de l'année. Mais de faire un petit peu le point, en fait, de se dire par rapport à l'année écoulée ou même par rapport aux années écoulées, de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant? Oui. Et est-ce que je peux me programmer ça pour cette année ou pour les années qui vont venir? Tu parlais du contexte sanitaire, tu vois, tout à l'heure, de se dire, bah ouais, là, c'est pas possible pendant les 6 premiers mois de cette année, mais peut-être que ça le sera à la fin de l'année ou peut-être que l'année prochaine, en janvier, février, je me le programme et je vais tout faire pour pouvoir y arriver si c'est toujours mon rêve d'ici là. C'est ça, et enfin, c'est. En fait, au final, c'est un temps qui est purement psychologique parce qu'on se dit, oui, on fait le bilan en fin d'année 2020, le 31 décembre, pour faire des bonnes résolutions le 1er janvier. Mais finalement, c'est qu'un temps qui est hyper subjectif. Tu peux très bien aussi faire ces bonnes résolutions un 10 octobre ou un 3 août. Non, pas un 3 août. Non, je le sens pas. Parce que t'es en vacances et t'as autre chose à foutre. Non, il n'y avait aucune raison. Juste, non. Mais on est d'accord. Non, mais ou avant la rentrée scolaire, par exemple, il y a une période assez propice en se disant, bah, on repart sur une année scolaire, finalement, qui est aussi importante dans nos têtes, voire plus pour certains que l'année civile. Et on repart sur un nouveau truc. C'est aussi les inscriptions, par exemple, au club sportif et tout ça. Ça se fait souvent à la rentrée scolaire. Donc, les associations et compagnie. Donc, à tout moment, finalement, on peut se remettre. En fait, on profite de ces événements pour. Ouais, c'est ça. On profite des moments. En septembre, il y a beaucoup de rentrées. Donc, on se dit, tiens, on va faire un petit nouveau truc. On va s'inscrire à un sport. Voilà, tiens, je vais faire du badminton cette année. J'ai envie. Voilà, pouf. Ou comme à la nouvelle année, les bonnes résolutions. Il y a beaucoup de gens qui font des bonnes résolutions. On se dit, tiens, pourquoi pas, j'en ferai une. Celle-là. Tu parlais de pression sociale tout à l'heure, Laura, même si c'est. Pas parler forcément de pression sociale, mais il y a une dimension quand même sociale qui fait que bah, tout le monde dit ah ouais, je vais prendre des bonnes résolutions. Donc, ok, et ça te remet un peu en question sur dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui moi m'intéresseraient de faire aussi quoi. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi des petites techniques pour se donner du courage et de la volonté pour ces bonnes résolutions. Alors que, du coup, que ce soit 2021 ou plus large, hein, bien sûr, ça peut servir à tout moment. Moi, une fois, j'ai fait ce qu'on appelle un dream board, donc le tableau des rêves. C'était une amie qui m'avait montré ça. Et en fait, en gros, sur une feuille de papier, on peut écrire ou dessiner. En fait, moi, par exemple, j'ai marqué dream board en haut et j'ai dessiné... ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai fait un globe avec un avion pour faire le tour du monde, j'ai mis des masques de théâtre pour faire le théâtre, j'ai dessiné selon mes envies et après j'ai accroché ça dans ma chambre. Et le fait de voir tous les jours ses objectifs d'un point de vue visuel, ça alimente le cerveau aussi à se dire « Ah oui, mais c'est vrai que j'ai envie de faire ça. » Parce que des fois, on est dans une routine, on est dans son travail, métro, boulot, dodo et tout ça, et on oublie en fait. Finalement, parce qu'on est tellement dans notre train-train quotidien que ça nous traverse plus l'esprit. Et là, le voir de manière visuelle, ça permet de rester dans ces objectifs-là. C'est vrai. Et aussi, je me disais, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, mais que j'aimerais beaucoup faire. Pourquoi pas faire une lettre à soi-même? En gros, s'envoyer une lettre entre guillemets dans un an. Dans le futur. Ah ouais. Voilà. Ouais. Et se dire ah bah oui. Bah du coup à ce moment-là j'avais envie de faire ça. J'espère que toi ça va, que t'as réussi à faire ce que tu voulais. Enfin. C'est pas lettre, devenir schizophrène à force. Il y avait un site qui proposait de faire ça, oui. Je crois. C'était, clairement. Je sais. Audrey qu'on avait parlé. Oui, et avec même un futur beaucoup plus lointain. Hein. C'était, ça pouvait être dans 5 ans. Oui, moi, j'ai retrouvé des journaux intimes de quand j'étais petite où je m'écrivais quand je serai grande, nanani, nanana, nanana. Ouais. Je suis en mode ah bah t'es bien mignonne. Hein. Mais après, il y a des choses qui sont plus ou moins réalisables. Non, mais ça va, mais... j'avais pas des rêves très inaccessibles, tu vois. D'accord. Genre, j'aimerais avoir un chat noir et un chat blanc et nanana. Oh, ah, bah t'as déjà le premier, c'est cool. Ouais, j'ai déjà le noir. t'as réussi la moitié de ton 50%. rêve. 50% de ta vie. Et si t'avais eu un chat noir et blanc, est-ce que ça aurait pas été 100%? Bah non, parce que j'en voulais un noir et un blanc, parce qu'il y avait tout. Ah, bah, pardon, madame, pardon. Déjà, c'était déjà compliqué dans ma vie, déjà petite. Bah alors, c'était le bordel. Moi, j'ai fait un compromis avec le mien, effectivement, c'est noir et blanc. Moitié-moitié. Il n'y a pas de jaloux. Non, mais voilà, j'aimerais bien faire une lettre à moi-même pour voir. Mais en tout cas, pas de pression sur faire des bonnes résolutions. D'ailleurs, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises résolutions. Si je devais décrire ma vie. Oui. Tout à l'heure, on était sur un premier film. Là, on est sur Astérix et Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Ah ouais, mais il y a des indémodables. Hein. Même bah, si on clairement. Passe les années, il y a toujours des films, des musiques qui reste quoi, enfin je veux dire c'est dingue, c'est comme Queen, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment un intemporel. Mais voilà, enfin j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet, comment établir des bonnes résolutions, c'est y aller avec son feeling en fait. Enfin ça peut paraître bête et en mode bah super, tu nous apprends rien Laura, mais enfin c'est ce que je pensais aujourd'hui. Non mais c'était une très bonne réflexion, et pour vous donner quelques idées de bonnes résolutions que vous pouvez prendre, mais après encore une fois comme tu dis Laura, il n'y a pas de pression, c'est-à-dire c'est pas parce que 50% des Français qui prennent des bonnes résolutions prennent ça que c'est une bonne idée pour vous, mais on jouera à une sorte de famille en or avec les bonnes résolutions les plus prises avec toi Martin dans un instant, juste après avoir parlé de vous, les gens Gomard sur Indestar pour cette émission à la maison, première émission à la maison de l'année. On espère un retour en studio à un moment donné, mais pour l'instant on profite de Gomard sur Indestar. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Et bienvenue chez vous, bienvenue sur Indestar en cette rentrée 2021. On est là au taquet pour cette nouvelle émission à la maison, première de l'année. Sur les bonnes résolutions, sur comment se sont passées nos fêtes de fin d'année. Plutôt bien dans l'ensemble, hein, d'après ce que j'entends pour le moment. Mais on va demander à Martin, est-ce que Martin, tu peux confirmer la bonne humeur ambiante dans ta famille? Je confirme Théo, tout s'est très bien déroulé. J'aime bien notre correspondant Martin qui est en direct. En direct, au canapé. Non mais sans déconner, par contre, il y avait des reportages à la télé où dès le matin, ils filmaient les enfants en train de déballer et ça passait sur BFM et tout. J'ai halluciné. Là, c'est la tragédie de l'info. Mais quel intérêt. Enfin, en mode, oui, effectivement, les enfants sont en train d'ouvrir les cadeaux. C'est ça. C'est comme quand il y a de la neige, tu sais, effectivement, les rues sont blanches, comme vous pouvez le constater ici. Il y en a à Madrid, là, en ce moment. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de neige avec la tempête. Il y a une tempête à Madrid qui fait... On fait un bulletin météo, quoi. Pardon, t'es dit ? On fait un bulletin météo Indestar, c'est une première. Oui, on pourrait faire le bulletin météo Indestar. Mais non, mais une grosse tempête à Madrid, c'est pas arrivé depuis 50 ans, pour le coup. Et j'ai, à ce propos, parce que je le sais, parce que j'ai vu une vidéo... assez marrante, ça va faire plaisir à tous les fans de Star Trek. Martin, tu ne parleras jamais. Non, si, je promets, je te laisse la parole après. Mais il y a une vidéo qui se passe justement à Madrid et où tu as un Duster, donc Renault Duster SUV, mais deux roues motrices, qui galère comme c'est pas possible à monter une côte. Il a fait 2 cm à l'heure, tu vois. Et à côté, t'as un gars en 4L qui le dépasse tranquille en le regardant avec un dédain. C'est drôle. Voilà, comme quoi, acheter une 4L, c'est bon. Martin, tu voulais dire. Ça, je valide tout ça pas. Je valide pas du tout ça. Si. Alors, du coup, on va jouer à, disons, mon équipe en or. Ah oui, tu nous racontes pas comment ce que t'as eu à Noël ? Moi, je suis curieux. Ah, hein, oui, je sais, pardon. Pour Noël, moi, j'ai eu un petit vinyle aussi d'un artiste de jazz que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chet Baker. D'accord. J'ai également eu un très beau CD des Doors offert par notre collègue Virginie. Ah, c'était le Père Noël secret, ouais. Père Noël secret. Waouh. Virginie, c'est toi la mieux. Elle te répondra pas. Et puis les cordes de guitare que j'avais demandé à la dernière émission avant les vacances. Ah, cool. Ah ouais, beaucoup de choses en rapport avec la musique finalement. Ouais, c'est un Zikos, oui. Quoi. Vraiment très musical. Martin de Zikos. Et des chocolats aussi. Et donc voilà. Oui, bien sûr, mais les chocolats, je les ai déjà finis. Quoi. Oui, bah oui, évidemment, on est tous dans le même cas. Hein. Alors, le principe de ta petite famille en or, là, c'est quoi ce soir? Alors, c'est que j'ai répertorié les 10 résolutions les plus prises chaque année. Ouais. Et je leur ai attribué des points en fonction de leur apparition de fréquence, disons. Mmh. Alors, par contre, je pense que vous allez jouer chacun pour soi. D'accord. Chacun ouais, c'est la rentrée. J'ai pas bien prévu comment allait se dérouler le jeu, mais on va trouver. Ok, c'est chacun pour sa gueule. Hein. Ça commence comme ça. On va faire un peu près comme ça. 1, 2, 3, battez-vous. Donc, il y a en tout 10 propositions. La première, la plus répandue, rapporte 10 points. Et la moins répandue rapporte un seul point. D'accord, il faut qu'on fasse un classement, quoi, finalement, c'est ça? Vous devez en donner une, chacun votre tour. Mmh. On va faire comme ça, et après, on va faire dans l'autre sens. Ouais, ça me paraît bien. Ok. Bon. Commençons par Laura. Quelle résolution est le plus prise chaque année d'après toi? Faire du sport. Ah merde. Faire du sport. Ouais, c'était sûr. Ouais, bah, ah je l'avais. Bien sûr, ça fait 10 points directement. Ah bah on a perdu. Allez, on a perdu. Ensuite, Jolan. Oui, je suis là, je t'écoute. Oui. Non, c'est nous qui t'écoutons. C'est nous qui t'écoutons finalement. La parole est à toi. Manger plus sainement. En deuxième. Manger plus sainement. Ouais. C'est vrai que beaucoup de monde me le dit. Moi, je l'ai pas mis dans mon top. Mais hors classement. Non. Du coup, désolé. Elle n'est dégage. Pas dans ton top. Suivant. Passons à Audrey. Au vu des réponses que Théo a données tout à l'heure, dormir plus. Oui. Eh bien, il n'est pas non plus dans mon top. Ah bah c'est pas le même. C'est ce que je me disais pendant ton quiz. J'étais, on n'a pas du tout les mêmes chiffres et puis j'ai même pas trop de chiffres. J'ai un peu fait à ma sauce, mais il est possible que j'ai oublié certains trucs. D'accord. Martin mais du coup, ça fait 0 points parce que le jeu est impartial. Ah oui, complètement. Du coup, c'est au tour de Teddy. Ah merde. Et oui. Ah putain. J'espérais que ça tombait pas sur moi, que j'irais caché dans la liste. Manger, non, pas manger, voir sa famille, non. Teddy dans voyager tête, plus. 14 à la radio. Voyager plus. Voyager, oui, il est en 6ème position. Woohoo, ça te rapporte 5 points. Ouais. Pardon. Et Théo? Voir plus sa famille. Oui, voir plus sa famille, il est où? C'est en 5, ça rapporte 6 points. Oh putain. Bien joué. C'est bien. Dégoûté. Et du coup, on repart en sens inverse, c'est encore à toi, Théo. Ah. faire un régime, donc manger moins. Je l'avais ajouté avec faire du sport en fait, je l'avais un peu cumulé. D'accord. On verra plus tard qu'on peut faire un régime sans faire de sport, hein. Je précise. Oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont. C'est comme si c'était numéro 1 en fait, c'est ça? Non, il essaie de gratter des points là. mais non, mais je me dis, c'est. Là je le mets en 7. Normalement ça devrait être en 1, donc ça me rapporte, je sais pas, c'est Martin qui fait le jeu. Mais... Non, ça te rapporte que dalle, le 1 a déjà été pris. Il a déjà été pris, donc une fois que c'est pris, c'est fini. Ah ouais, bon. J'ai pas dit, mais j'avais un peu regroupé dans améliorer sa santé physique, sa condition physique. D'accord, alors on va mettre. On va mettre. Tu as plusieurs réponses, toi. Ah ouais, le mec comme ça, il a. Mais parce qu'elle n'était pas totalement fausse, mais il n'avait pas dit qu'elle était Ah, Théo, la mauvaise foi, bonjour. Mais non. il n'avait pas dit. Hein. Théo, le mauvais perdant. Mais j'ai pas dit que le jeu était juste non plus. D'accord, bon, bah alors je ne dis rien, alors je n'ai plus rien. Du coup, c'est au tour de Teddy. Je sais pas si c'est une bonne résolution, je suis pas sûr, mais avoir plus de temps pour soi. Okay. Ça paraît bidon, mais bon. Si, effectivement. Ça y est ? Ouais. Mais il est pas dans mon top non plus. Putain ! Il a pas fait un top improbable. Bah pourtant, non, j'ai pas l'impression, mais on va voir. Audrey, t'arriveras peut-être à trouver quelque chose, toi ? Bah écoute, je suis en train de réfléchir en fonction des réponses des garçons. Comme t'as parlé de la santé physique, j'aurais parlé de la santé mentale, genre prendre plus soin de sa santé mentale. Mais vu que Teddy a dit prendre plus soin de soi, genre ça compte pas. Manger, ça compte pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bonne résolution à part du sport ? Ah, lire plus ! Oui, lire des livres. Il y a beaucoup de Français qui veulent se remettre à la lecture. Lire déjà, hein, pas forcément plus lire. Oui. C'est pas faux. Et donc, lire des livres, ça fait 4 points. Cinquième position. Jolan, à toi, qui a toujours 0 points, je le rappelle. On s'enfonce pas du tout. Ah, c'est chaud. Ouais, là c'est tendu. C'est peut-être un peu plus compliqué que ce que je m'étais dit. Acheter une nouvelle voiture. Attention, 4L. 5 secondes. Je mets la pression. En vrai, je sais pas quoi répondre. Plus que 3 secondes. Jolan passe son tour. C'est terminé. Ça peut, ça peut être des choses à arrêter. Ça peut être oui. Des choses à arrêter. Des nouveaux comportements à prendre. Arrêter de fumer, par exemple. Oui. Ah bah oui. C'est en deuxième position, arrêter la cigarette ou l'alcool. Et ça fait 9 points directement. Quoi ? Allez, bim ! Oh, la jalousie des garçons derrière. Mais tellement ! Mais si ! Oh là là, il était à deux doigts d'avoir 0 et vous lui donnez 9 points. Ça. La drama queen, là, ça va ? Ah, ça veut dire. Le drama queen, pardon. On retourne à Laura, du coup. Ah, c'est Laura, ouais. Se mettre à un instrument de musique ? Hein ? Ah, se mettre ? Oui, non. Quoi ? Ouais, non, je vais dire non. Elle a le droit de relancer. Elle a le droit de relancer ou pas dans l'autre sens ? Exactement. Oui. Cool, ça, t'as deux chances d'affilée. Sinon. Je sais pas, moi. Il a dit tout à l'heure. Quoi ? Comment vous essayez de vous souffler des réponses? On peut pas souffler des réponses à la radio. Tout le monde vous entend, ok? C'est dur pour l'oral. On sent le chrono défiler. Il en reste combien, Martin? Oui, c'est ça, j'aimerais bien savoir. Il en reste 5 en soi. Oh putain! On est trop dénués. On est hyper nul. Ce jeu va durer 12 ans. Non, ça s'améliorer en réponse de quiz. Voyager. Parce qu'après, c'est à toi. Faire des voyages. Ça, il l'a déjà dit. Déjà été dit. Oh. Bah, du coup, c'est faux, hein! Comment il en pense oui, bien? On est d'accord, non, mais je te dis qu'il y a une justice dans ce monde! Mais regarde-moi, c'est mauvais perdant, quoi! Théo et Teddy. On va faire un dernier tour et je vous donnerai les derniers. Oui. Ok. Ça me semble raisonnable, parce qu'on est tellement nuls! On galère déjà à trouver des résolutions potables! Juste déjà, ça, déjà! Oui! Donc non, Laura, du coup, tu abandonnes sur voyage. Chais. Ouais. Alors, donc, Jolan. Bah, du coup, arrêtez de boire, par exemple. Il l'a dit tout à l'heure. Tu viens de le dire à l'instant. Non, il a dit arrêtez de boire. Non, mais il a dit arrêtez l'alcool et la cigarette. Oui, mais t'écoutes rien de ce qu'on dit. Mais qui a dit ça? C'est. Mais si, Martin, il l'a dit. Martin, il l'a dit. C'est Martin. Non, mais c'est la phrase d'après. JPP. Oh, j'en peux plus de ma vie, laissez tomber. Allez, bonne soirée. Allez, salut. Donc ça n'est pas une bonne réponse, du coup. Non. Du coup, Audrey. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils veulent faire les gens? Arrêter d'être chiants? Arrêter. Avoir une conscience écologique. Ouais, allez, je te l'accepte. Ah, être plus écolo. Faire des économies autant au niveau de dépenser moins et de l'écologie aussi. Je suis gentil. Ah, merci. C'est franchement. Merci, franchement. C'est le jeu de l'injustice. Hey. T'es dit maintenant? Alors j'ai deux idées, mais je peux pas les dire du coup. Fais chier. Non, t'en dis qu'une. Bah ouais, laquelle choisir? Ah, fais chier. C'était laquelle la première? Bah j'ai oublié alors, la première. On fait le malin quand moi j'arrive pas à choisir, mais toi est-ce que tu fais le malin là? Non, t'es pas très malin là. Ah, mais c'est que j'en ai deux moi, tu vois. Ah oui. Oh bah pardon monsieur. Et oh, ouais, aujourd'hui il y en a deux. J'en ai deux. Changer de boulot et trouver un boulot qui nous plaît plus. Changer. Ou quelque chose du genre. Ok, mais non. D'accord, bon bah ok. Il n'y en avait aucun des deux. Vas-y, je laisse Théo dire la dernière, puis après je dirai peut-être celle que j'ai, on verra bien si ça compte. Ouais, alors moi je dirais moins d'écran, donc moins de réseaux sociaux, moins de télé, moins d'ordi, tout ça quoi. Et oui. Oh. Ah, ça fait 3 points, se déconnecter des réseaux et des écrans. Bordel. Ah bien. C'est pas juste. Non, si, attends, là, il est 9 fois. S'acheter une nouvelle voiture ou un nouveau véhicule, ça compte aussi? Ça, c'est mes résolutions à moi, ça. Ouais. Non, du coup, il y avait en quatrième position, arrêter de tout repousser à plus tard. Ah oui, procrastiner. Voilà. Procrastination. Ouais. Mmh. Et dans les derniers qui n'étaient pas évidents, il y avait adopté le do it yourself, le fait de fabriquer. Bah, c'est un peu conscience écologique, ça aussi. Hein. Non, mais en vrai. Essaye de gratter des fois. Hein, non, pas du tout. C'était dans les différentes catégories. Non, moi je m'en fous, je suis pas mauvaise perdante. Moi, tu vas être mauvaise perdante. Enfin, tu verras, je donnerai les scores après. Et en dernier, elle était un petit peu salée. Tricky, c'était ne pas prendre de résolution, tout simplement. Ah, oui. Ah merde. Il y a énormément de monde qui fait ça maintenant. Mmh. Ouais, mais moi. Si tu prends pas de résolution, si tu te dis ma bonne résolution c'est de pas prendre de bonne résolution, bah tu prends une bonne résolution. Ah, c'est tiré par les cheveux, hein, mon petit. Ouais, bah c'est pragmatique, non, je sais pas. Mais Daniel nous en parlera d'ailleurs tout à l'heure, parce que c'est son mode de vie. Parce que ne pas Daniel prendre de bonnes résolutions. Ouais. Je vois. Et du coup, ouais, c'est ce que je voulais dire. Oui. Non, c'est ce que je voulais dire. Pour les scores, du coup, on a Audrey en tête avec 12 points. Putain. Ah, ouais, ah bah d'accord, ouais. Ok. Elle aime pas perdre, mais elle aime bien gagner quand même. Non, c'est. Et Théo, ça va la mauvaise foi là. Ensuite, on a Laura qui suit avec 10 points. Ouais, la seule réponse que j'ai donnée. C'est ça. Parce que j'étais la première à passer. C'est de l'injustice. Toi-même, tu dis aussi, hein. Ah ouais, totalement. Ensuite, à égalité, on a Théo et Jolan. Putain, je suis même. Points. Et désolé, Teddy, tes 5 petits points n'ont pas valu grand chose dans la barre. Ah, cette année, elle commence très mal, hein. Décidément, c'est pas de... Pas avec des bons scores au quiz. Ah en putain, tout cas. Ouais. Oh la vache. Mais par contre, tu devrais ajouter dans des bonnes résolutions dire moins de gros mots. Hein. Ouais, non, ah non. J'en rajoute même, je dirais, parce que. Ouais, je vois ça. Ouais. C'est beaucoup trop injuste en ce moment. Ouais, bon. Ah là, la vie est injuste. Si j'aurais su, j'aurais pas venu, quoi. Mais tellement. La vie est injuste. je comprends Teddy. Ouais. Bah merci Martin pour cette famille en or des bonnes résolutions. Ouais, merci. Hein. Et toi, du coup, tu es team je ne prends pas de bonnes résolutions. Je prends pas de bonnes résolutions, j'essaie plutôt de le faire sans y penser pendant des mois. Ouais, et sans forcément s'imposer la date du 1er janvier pour commencer. Plus de projet. Attends, on a perdu Martin, je crois là. Ah, je crois qu'on t'a perdu aussi. Ouais, on vous entendait plus du tout, les gars. On a perdu tout le monde, ouais. Donc, Martin, ouais, qu'est-ce que tu disais? Tu prends plus de bonnes résolutions, c'est ça? Non, Oui, je prends pas de bonnes résolutions, mais je me fais quand même des projets à réaliser. D'accord. Ouais. Ok. Ah, j'ai vu un mot là sur les réseaux sociaux. Le mot zérolution. Quand tu décides de ne surtout pas prendre de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Zérolution. Il me plaît bien. Ça fait partie. Mais... Alors par contre, faut qu'ils arrêtent en bonne résolution. Faut qu'ils arrêtent de nous inventer des mots là tous les ans à base de. Non mais c'est une blague. C'était une blague. Pardon. Je m'emporte. Oh là là. Ouais. Il devient susceptible avec le français. Mon Dieu. Tous les ans, on nous invente des nouveaux mots comme ça. Voilà. Bon, donc à un moment donné, ras la gasquette. Ça va, hein. C'est ça, oignon voilà, avec un O. Non, il vaut mieux écouter de la musique, hein, n'est-ce pas? Il vaut mieux écouter de la musique, tout à fait, Audrey. Tu l'as bien dit. Et surtout quand on a deux musiques en une, avec Donny Osborne, Flying Hot Stuff. Essayez de retrouver ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, Hot Stuff. Hot Stuff, et puis, faut que j'arrête de chanter en 2021. Franchement, faut que j'arrête de chanter. Dès 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Tout simplement, à la maison, tranquillement, assis derrière votre canapé, dans votre canapé, sur votre lit, ou peut-être, je ne sais pas, peu importe en fait finalement où vous nous écoutez, mais sûrement pas dans la voiture, puisque le couvre-feu est tombé, les amis. Nous sommes sur Indestar, nous sommes en janvier 2021, tout va bien. Toute l'équipe au taquet ce soir avec Daniel qui nous a rejoint. Salut Daniel! Salut tout le monde et bonne année à tous! Bonne année à toi aussi. Tout seul, Daniel! Je suis très égoïste, j'aime bien qu'on porte moi tout seul. Bonne année à toi tout seul. Après le presque Avril Lavigne, c'est bonne année à toi tout seul. Mais oui, et puis bonne année à vous tous, évidemment. C'est pas la règle du premier Avril Lavigne. Hein. Oui, évidemment. Ah, l'humour est parmi nous ce soir. Que voulez-vous ? On n'a pas changé d'humour en 2021. Par contre, on va parler de 2021 avec comment Audrey voit les nouvelles résolutions et ses nouvelles résolutions après qu'elle nous ait raconté comment s'est passée sa fin d'année. Oh bah bien, écoute, ma foi, moi je fête pas Noël donc ça va. Et j'ai passé le premier de l'an avec mon meilleur ami qui était un direct revenu des States pour mes beaux yeux. Non, pas que pour moi. Pas que pour toi, c'est une honte. Pas que pour moi. Et ça m'a fait très plaisir de passer 4 jours avec lui avant de ne plus jamais le revoir. Pourquoi il est mort? C'est triste de dire ça. T'imagines, ça avait été vrai, Teddy, comment tu serais senti con? Ah bah, je me serais pas senti con, j'aurais dit bon bah tant pis, hein. Mauvaise vanne. Bordel. Non, parce qu'il est retourné aux États-Unis et ça va être très compliqué de pouvoir y retourner, que ce soit pour moi, le moment. Pour lui. Mmh. Et t'as même pas emmené dans les bagages? Bah, j'y suis allée il y a 2 ans maintenant, déjà 2 ans. Waouh. Mais bon, on s'est dit que le premier de l'an 2022, c'est moi qui irai le faire aux États-Unis. Oh. Ah oui, bah c'est pas si loin finalement, c'est carrément. Ah. Après, on se dit, on se projette parce que un peu la vie c'est de la merde, donc il faut se projeter un moment. Ouais, c'est pas faux. Mais on espère de tout notre cœur, quoi. C'est vraiment. Bien sûr. En attendant le catastrophisme, on va plus se revoir et finalement dans 2 ans, même pas. Non, mais toujours, c'est. On parlait de bonnes résolutions. Moi, je suis persuadée qu'il faut toujours se donner, comme disait Laura, des objectifs concevables, des choses. Oui. Honnêtement, ça vaut pour tout le monde et pour tous les projets. Hein. Cette année 2020 a été compliquée au niveau sanitaire, etc. Mais je pense qu'il faut garder cette motivation et avoir des projets parce que c'est la vie. Je veux dire, si on n'a plus aucun projet à ce moment-là, on déprime dans notre coin. Quoi. Exactement. Genre, ouais. Moi, par exemple, par année, je prends pas de résolution. Par contre, je me mets un mot de l'année. Par exemple, le mot de l'année dernière, pour moi, c'était l'audace. Et ouais. Donc j'ai pris un nouveau mot pour 2021 et j'essaye de me tenir durant l'année et je vois comment. Le beurre de colle. Non, pardon. Quoi? Non, c'est le mot d'incarner et les heures de colle. C'est ça. D'accord. Et c'est quoi le mot de 2021? J'ai été traumatisé pour vous. Vous le saurez à la fin de 2021. Ah bah merde! Jamais révélé son mot. Ah bah c'est moins cool! Mais attends, c'est comme faire un vœu ça! Mais c'est quoi ces conneries? Mais c'est quoi ces conneries? Remboursez, mon dieu! Voyons! J'ai dit ça à la baraque et s'en alla. Allez, salut les connards! Mais je me mets un mot guide pour me driver toute seule comme une grande. Ah, guide! Parce que c'est pas facile. Et donc, le mot de l'année dernière était l'audace. Donc, j'ai commencé plein de projets, j'ai rencontré des gens malgré tout le tralala, là, malgré el tutti, el quantiti. Et pour ceux et celles qui voudraient quand même avoir quelques objectifs, Laura, tu parlais de voyage, et pourquoi pas de voyage à long terme, parce que nous avons la chance, et je dis ça sans moquerie aucune, d'être en France et d'avoir la nationalité française. Et ça nous ouvre un nombre de portes incroyables. Il y a plein de pays qu'on a, ou, auxquels on n'a pas besoin de visa, par exemple, pour visiter en tant que touriste. Il y en a où tu peux te prendre la tête à avoir des visas qui coûtent une fortune et qui peuvent être refusés pour X ou Y raison. Que nous, déjà, on a toute l'Europe à visiter sans, juste avec une carte d'identité dans notre poche. Et moi, je trouve ça absolument incroyable. Et il y a des dizaines de pays dans lequel où t'as juste ta nationalité à déclarer et ah bah t'es français, ah bah tu peux rester 3 mois, il y a pas de souci, ah bah vas-y passe, tu peux rester 1 an, enfin bref. Et ça c'est vraiment une chance, et c'est aussi une chance qu'il y ait plein de dispositifs créés même quand on a quitté le cadre des études, parce que pendant les études on connaît les stages, les Erasmus, les choses comme ça, mais même en dehors des études on a l'opportunité et la chance de pouvoir voyager pendant très longtemps. Et même si on n'a pas beaucoup de thunes et même si on n'a pas des projets très spécifiques, avec par exemple soit un service civique qui peut être fait dans l'Union européenne, mais si on veut partir de l'Union européenne, il y a deux grandes possibilités qui s'offrent à nous. Le VI, le volontariat international, qui peut être fait soit en entreprise, soit en administration. Ça s'ouvre pour les travailleurs et les travailleuses de 18 à 28 ans et pour une période de 6 à 24 mois. Alors, c'est quoi l'idée de ça ? Il y a un site internet qui avant s'appelait CiviWeb, maintenant ils l'ont appelé Volontariat International et Administratif. Et l'idée, c'est d'aller travailler dans des compagnies internationales, donc, comme son nom l'indique. Et d'être couvert, c'est tous les avantages de faire un stage rémunéré à l'international. Genre, pas le stage d'école que tu connais pas, c'est un vrai, vrai boulot qui va t'offrir une opportunité que peut-être t'aurais jamais pu avoir sans avoir les bons contacts, les bonnes adresses. Ou tout simplement, si tu dis, oh, j'aimerais bien partir, mais je sais pas trop où. Moi, mon boulot, c'est ça. Et ben voilà, tu regardes sur la page. Donc, la page, c'est monvie-via.businessfrance.fr. Si vous tapez CiviWeb, ça l'est toujours. Même si vous tapez volontariat international, vous tombez sur ce site. Hein. C'est un des sites affiliés au gouvernement. Et l'idée de la mission internationale, c'est de gagner en expérience en étant dans un cadre hyper sécurisé et sécurisant. Être sûr d'avoir un revenu, être sûr d'avoir une entreprise qui t'accueille et pas partir en mode ça y est, c'est la fête. Ouais. Et de pas être sûr d'avoir quelque chose en y allant. De ce que je vais vous parler du deuxième option qui est possible. Ça permet d'acquérir une langue, d'avoir une expérience professionnelle, parce que des fois en France, on te demande une expérience, d'avoir 10 ans d'expérience. Mais d'être sorti de l'école. C'est ça, oui, tu sors de l'école, donc les prétentions salariales doivent être faibles, mais avec 5 ans ou 10 ans d'expérience déjà. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, ça vous permet d'avoir des avantages que d'autres n'auraient pas, parce que partir à l'étranger, c'est aussi faire preuve d'adaptabilité, de savoir faire face à des situations que vous n'auriez peut-être jamais eues en France, ou en métropole du moins. Après, découvrir d'autres cultures, enfin, tout ce qui est de tous les bénéfices du voyage aussi. Hein. Donc, le VIE, en quelques chiffres, c'est 8596 postes à l'année, 135 pays ouverts au VIE, 2085 recruteurs, et pour l'administratif, c'est un tout petit peu moins, parce qu'il y a toujours le même nombre de pays, mais il n'y a que 130 postes et 3 recruteurs, puisque ce sont des administrations. Donc, en fait, vous êtes sous la tutelle du ministère de l'Éducation, de la Justice ou des Affaires étrangères. D'accord. Et il y a 130 dossiers à remplir. Pardon ? J'ai pas entendu les questions. Ouais, non, c'était une plaisanterie. Je disais, moi, je vais dépendre de la justice, mais en connaissant, je vais pas être. Et voilà. en fait, les dossiers à remplir, c'est un CV et une lettre de motif comme n'importe quoi. Vous pouvez aller sur le site les offres de mission et vous voyez les offres en fonction. Alors on peut trier soit par sa page, soit par le pays dans lequel on aimerait aller, soit par son niveau d'études, soit par le domaine dans lequel on veut travailler. Alors par exemple, l'informatique, vous pouvez aller partout dans le monde, c'est demandé, mais demandé de ouf. Genre, si vous travaillez dans l'informatique à un poste... Alors, c'est un peu les extrêmes, parce que soit c'est des postes plutôt tournés master, plutôt haut gradé, enfin hautes écoles, hautes études, soit c'est clairement des postes non qualifiés, et puis bah... Il n'y a pas trop d'entre-deux. Il y a quelques entre-deux. Faut trouver le bon moment et la bonne mission qui vous plaira et qui saura satisfaire tous vos critères. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder, parce que vous allez me dire « Oui, mais meuf, pandémie, tout ça, MDR, t'as cru, on allait partir ?» Mais justement, ça s'organise un déplacement. C'est pas « Ah bah, un, deux, trois, je prends le train et je m'en vas. » C'est « Vous avez le temps de trouver, de postuler, de chercher, d'y repenser, de trouver des pays qui vous plairaient. » Et du coup, donc soit vous avez cette possibilité de travailler en volontariat international, soit si vous voulez pas travailler, enfin si... Travailler, c'est pas votre motif d'envie principal. Non, moi, je ne voulais pas. Mais que vous avez quand même besoin d'argent pour voyager, parce que bon, à un moment, il faut vivre dans le pays. Oui, bah oui, oui. Vous pouvez vous offrir un permis vacances-travail, ou le fameux Working Holiday Visa, qui est plutôt hyper accessible en France. Et malgré le fait du Covid, où il est un peu atténué en ce moment, il y a certains pays où il est toujours fortement possible de partir... en permis vacances-travail. Donc, le permis vacances-travail, c'est un an dans 23 pays, je crois, en France. Non, pas 23. Il y en a. Alors, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ouais. L'Argentine, le Canada, la Corée, le Japon, la Russie, Hong Kong, Taïwan, le Chili, la Colombie, le Brésil, l'Uruguay et le Mexique. Donc, ça laisse un sacré paquet d'opportunités. Oui, dans des pays en plus qui sont très dépaysants, quoi. Ah bah, c'est pas l'Union Européenne, quoi. Ouais, donc, pour certains, il y a des quotas. On sait que le Canada, par exemple, c'est extrêmement demandé. Et donc, c'est une loterie. Vous posez votre dossier. Ah, et c'est une vraie loterie, en fait. Ah, oui, ouais, d'accord. Oui, oui. Donc, par contre, il faut être prêt à partir à n'importe quel moment. Parce qu'une fois que vous avez posé votre dossier et que vous êtes tiré au sort, vous avez un mois pour valider votre... je crois que c'est 2 semaines pour dire oui et 2 semaines pour apporter les garanties. Et puis, bah, c'est parti, quoi. Le visa prend à date à l'autorisation et YOLO. Et c'est quoi le principe du vacances-travail? Parce que c'est quoi? C'est mi-temps en vacances, mi-temps en travail? En fait, c'est toi qui t'organises. Ça donne la possibilité d'être un vrai travailleur dans le pays dans lequel t'habites. Donc, si t'as besoin juste de thunes comme ci, comme ça, si tu vis avec très peu et que travailler 2 jours par-ci, 2 jours par-là, ça te suffit à vivre, eh ben, il n'y a pas de souci. Si tu fais des contrats de 2 jours. Si tu veux travailler un mois dans un endroit, tu travailles un mois. C'est toi qui décides. Et donc, c'est pour t'aider. Donc, tu as les mêmes droits et les mêmes devoirs que les citoyens dans le pays dans lequel tu vas. Mmh. Et tu as le droit donc de travailler et d'aller un peu partout. Et tu as le droit de postuler à Pôle emploi de là-bas? Oui, bah, bien sûr. Enfin, t'es considéré dans la législation de l'emploi de ton pays d'accueil. D'accord, ok. Oui, c'est un passeport finalement pour avoir accès au monde du travail là-bas. Exactement. Et pourquoi pas mettre un pied dans l'entreprise et que ce vacances-travail se transforme en un vrai visa de travail. Ouais. Ça arrive rarement, mais ça arrive s'il y a des objectifs. Alors après, on va pas se mentir, pour des travails extrêmement qualifiés, t'as pas besoin de passer par un working holiday. Et d'ailleurs, le working holiday, enfin le vacances-travail, le PVT de son petit nom, le PVT, c'est bien dit que c'est clairement pour voyager et travailler et te financer ton voyage. Un permis de travailler détourné. Mais ça permet de mettre le pied, d'avoir des adresses, des contacts, des choses comme ça. Et puis faire une expérience de fou, parce que aller à l'étranger comme ça dans un pays qui n'est pas le tien et avec des mœurs différentes et apprendre un travail là-bas, quand tu reviens en France, tu peux... Enfin, sur certaines choses, tu vois, tu vas avoir une vision un peu différente, une vision un peu fraîche de selon les branches dans lesquelles tu travailles. Il va falloir le travail que tu as fait là-bas, clairement. Exactement, apporter des nouvelles idées. Il y a quelques conditions. Il faut être âgé entre 18 et 30 ans révolus à la date du dépôt de demande, jusqu'à 35 ans pour l'Australie, le Canada et l'Argentine. On peut y aller. Oui, je peux encore y aller pour certains pays. Ne pas avoir un passeport à charge, avoir un passeport français, Et il y a certains pays qui demandent avoir des ressources suffisantes pour acheter un billet retour. Donc, ah, par exemple, oui, l'Australie demande d'avoir sur son compte l'équivalent de 3000 euros pour être sûr qu'ils puissent te renvoyer. Ça fait mal quand même. Ah oui, parce qu'un billet, rapide, enfin un billet de renvoi, s'ils veulent te renvoyer, c'est comme ça. Genre, tu dois prendre ton billet le jour même. Ouais. Ouais. Donc, par exemple, l'Australie, c'est 3000 euros, mais le Canada, c'est 2000 euros. La Corée, 2500. Il y a des pays où c'est quasiment rien. Par exemple, la Colombie, où tu dois avoir environ 1000 euros sur ton compte. Ce qui est vraiment quasiment pas, rien. Quasiment rien, mon Gaulle-Pierre. Hein. En vrai, c'est pas élevé. Enfin, dans l'idée que tu vas préparer ton année, tu vas passer une année à préparer ce départ. Si tu mets 50 euros de côté tous les mois, par exemple, ce qui ne semble pas une somme faramineuse, enfin, je pense qu'il y a 600 toujours euros en une année. De se débrouiller. Comment ? Tu as 600 euros en une année. Ouais, enfin, après, oui, mais enfin, je veux dire, je pense que si ton objectif, c'est de préparer ce voyage et que tu dis j'ai une année pour me préparer, franchement, honnêtement, je pense que c'est faisable maintenant avec plein de petits jobs que tu peux trouver. Alors, oui, MDR, Covid, tout ça, je sais très bien. Mais par exemple, moi, quand j'ai été étudiante, j'avais un travail à mi-temps qui consistait à faire des traductions sur Internet. Alors, c'était rémunéré cutchi à la traduction, et c'était des traductions de manuels de micro-ondes. Donc, autant dire, l'intérêt n'était pas ouf. Ouais, c'est mais pas faux. Ça me permettait d'avoir de la thune, genre. Ouais, bien sûr. Avec mon petit boulot. Je faisais mes traductions. Ouais, c'est ça, genre appuyer. Bah, je traduisais en français, du coup. Mais les traductions. Ouais, mais dans quelle langue que tu traduisais en français? De l'anglais vers le français, par exemple. Ah oui, d'accord, ok. Et, ou d'autres langues, et tu te servais de Google Translate comme tous les gens qui font ce boulot. Ah, c'est pour ça que après, tu as des manuels où c'est pas logique à l'intérieur. C'était traduit avec tes pieds. Tout à fait. Alors, mais voilà, enfin, je veux dire, il y a toujours, on peut toujours gratter un peu. Et puis, au pire, si vraiment c'est le projet de votre vie, de votre année, enfin, je pense que si vous avez une famille à côté, des choses comme ça, vous pouvez en parler, et pourquoi pas faire un projet à partir de ça et faire une cagnotte et un financement participatif pour que des gens vous aident à partir en voyage. Et en contrepartie, faire des petites vidéos, un podcast, que sais-je. Pourquoi pas vous donner un nouvel élan et faire un super projet. Vous avez une année entière pour y réfléchir. Pourquoi pas construire un projet comme ça pourquoi pas oser en 2021, que ça soit votre mot de l'année, et oser et faire des choses. Et on essaye. Et si ça fonctionne pas, si ça aboutit pas, bah tant pis, au moins vous aurez pas le regret de ne pas avoir essayé. L'audace, mot d'Audrey pour l'année 2020. Non mais ça y est, moi je crois que j'ai trouvé ma voie. Je veux traduire des manuels de micro-ondes. Franchement. Faut être ouvert à toutes les possibilités de gagner un peu de thunes. Ça te demande pas trop d'efforts et voilà. Enfin, je oui, viens, c'est pas faux. Non, mais je trouvais ça vachement drôle quand même. Parce qu'on sait... Audrey, il y a quelque chose qui me chagrine dans tout ça. Donc, tous les ans, tu as un mot ? Est-ce que ça veut dire que tu apprends un mot par an seulement, pas plus ? Exactement, ça me fait un tout petit dictionnaire. C'est hyper facile en long voyage. Un petit dictionnaire, en effet, c'est ça. Donc, t'as intérêt à ce que ton mot se rapproche à de la nourriture sinon tu meurs. C'est ça. Exactement. Voilà. Très bien. Ça nous a donné envie de voyager, hein, tout ça. On a des rêves plein la tête après ça. C'est ça. Et la réalité du confinement. Globetrotter Indestar, c'est ça ? Comment ? On va avoir André Globetrotter Indestar ? Ah bah, oui, on aura. Tous bien avant Indestar. Hein. Oui, non, on aimerait bien t'avoir en reporter sans frontières, tu vois. Sans problème, bah. Et pourquoi pas une réforme finance ? Alors là, par contre, on va. Audrey, ton micro est en train de se couper. Et de toute façon, il va couper comme le micro de tout le monde, puisqu'on va écouter de la musique. On va écouter Boys Avenue qui reprend Coldplay avec son titre Yellow sur Indestar. Et puis, dans un instant, ce sera au tour de Jolan. Savoir ce que Jolan, comment déjà se sont passées ses fêtes et ce qu'il nous a réservé en termes de sport cette année. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Et on est content de vous retrouver en ce lundi soir, premier lundi de l'année pour nous, puisque c'est la reprise aujourd'hui, et une nouvelle émission à la maison, chacun chez nous, et Teddy en studio. Il y a Laura, ouais. Il y a Daniel qui nous a rejoint, il y a Teddy, et il y a, ouais. Non, Teddy, je l'ai ouais, déjà ouais, cité, mais, ouais, mais je suis là je peux le citer deux fois, il y a Jolan aussi, oui. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Et on est là pour parler des bonnes résolutions de Jolan. Toi, tu as décidé de te mettre au sport cette année, donc tu vas nous en parler, puis tu vas nous donner quelques petits tips si on veut s'y mettre aussi. Mais d'abord, comment se sont passées tes fêtes de fin d'année? Qu'est-ce que tu as eu à Noël, tout ça, tout ça? Alors, mes fêtes de fin d'année se sont très bien passées. Je les ai fêtées en famille, ouais. Comme tout le monde, j'imagine, ici. On était en petit comité, bien sûr. Hein. Mais ouais, ça, c'est, dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé. On était tous contents de se retrouver. Qu'est-ce que j'ai eu à Noël? À Noël, j'ai eu des justement, je vais venir à des affaires pour faire du sport, pour le pratiquer à la maison. Comme ah ça, ouais, clairement. Ils avaient anticipé en fait, avaient anticipé. Ça, j'avais anticipé même avant Noël, je voulais en avoir, tu vois. Donc, du coup, on avait prévu le coup. Donc j'ai eu un tapis de sol pour faire plus d'exercices de type, enfin abdominaux, pompes. Pour t'allonger au sol. Et du gainage et j'en passe. J'ai eu des haltères qui font, ça s'appelle des deux en un. Je sais pas si tu vois ce que c'est. En fait, c'est tu me poses la question. Ouais, non, mais je. Ils font haltères et autre chose. Mais en fait, si tu veux, c'est des haltères que tu peux rouler avec, genre que tu peux faire des exercices, que rouler, enfin. Dans ce bizarre dicton. Ah, c'est une voiture oui, en fait. Non, tu peux. Tu enlèves ton route, tu mets tes haltères et tu glisses en fait, tu peux muscler le trapèze et tout. Enfin, faudrait que. Oui, je vois, on voit souvent les. Mais oui, mais je vois totalement. L'espèce de. Je sais pas comment le décrire le truc en fait. Mais, non, mais je vois ce que tu veux dire, Jolan. Enfin, c'est compliqué à décrire, genre quand il la passe de manière visuelle. C'est un truc en fait, si vous voulez, sur socle, qui peut. Tu peux glisser avec. Il y a des roulettes qui. Tu peux faire des exercices à même le sol avec ça et tu peux les fixer au sol. Voilà. D'accord. Tu peux faire des exercices différents. Enfin, ouais, je mettrai une photo sur les réseaux s'il faut. De la chose. Ah non, aller chercher. Et comment ça s'appelle, rappelle-nous? Ça s'appelle une haltère 3 en 1. Une haltère 3 en 1. Si je dis donc, quand tu les fixes au sol, tu peux plus les soulever. Si tu soulèves ton plancher avec. Non, tu soulèves. Oui, ouais. C'est pour changer ton parquet en fait. La moquette en même mais temps. Mais oui, c'est vois, ça. C'est... Et j'ai eu des haltères aussi de 10 kilos, un truc comme ça. 10 kilos ah, tu soulèves 10 kilos de chaque bras. Ouais. Ouais, mais c'est modulable peut-être. Si je soulève 10 kilos de chaque bras. Est-ce que c'est modulable? C'est ça la vraie question. Hein? Est-ce qu'ils sont modulables? Modulables. Bah, genre, est-ce que tu peux enlever des kilos? Non, c'est des haltères classiques celle-ci. C'est des genre. Ah, c'est moche. Parce que si 10 kilos ouais, c'est trop, bah tu l'as dans le cul. C'est voilà, ah c'est oui, c'est vrai qu'il faut déjà pouvoir soulever 10 kilos. Ouais, c'est ça le problème. Je pense pas être capable de soulever 10 kilos à chaque bras. Après, 10 kilos ça peut être pratique sur certains exercices. Ça fait un paquet d'eau, hein. Ouais, en autre cadeau, ça concerne pas trop le sport, mais j'ai eu une nouvelle télé, donc ça c'est plutôt cool. Si, si, c'est pour regarder à la télé, tu te mets des vidéos YouTube de yoga ou de Thibaut InShape. J'ai eu un jeu que mon père m'a offert et j'ai été très surpris parce que c'est un jeu que on apprécie pas forcément avec Teddy, mais bon, c'est FIFA 21. C'est un jeu de sport. Ouais. C'est un jeu de sport. Ouais, donc c'était le sport, alors faut pas. Il a voulu rentrer dans le thème, du coup s'est dit tiens, ouais. Je vais lui acheter ça. Donc ouais, ça m'a en vrai le jeu est sympa, il est pas dégueu. Mais si on suit ta logique, Théo, j'ai envie de partir en Angleterre, apprendre l'anglais. Si tes parents t'offrent un jeu d'oral exploratrice, voilà quoi. Bon, hein. Et bah FIFA, c'est pareil. T'as envie de te mettre au sport, on t'offre un FIFA, c'est bon. 21, c'est marrant, tu l'as eu sur console en plus. FIFA? Ouais. Ouais, ouais, donc c'est le genre de jeu qui est sympa à jouer à plusieurs. Tu fais une petite partie de FIFA à la maison. Non, toujours cool. C'est toujours sympathique, ouais. Ouais, et puis, au dernier cadeau, je me suis acheté Assassin's Creed de la dernière saga qui est sortie récemment. Là, c'est Valhalla. Ouais. Donc, bon, c'est pas très sportif comme jeu, mais plus instructif que sportif. C'est pour muscler les doigts, quoi. Exactement. Et voilà, j'ai quand même été assez gâté pour Noël. Complètement. Et ouais, j'ai eu ma nouvelle voiture au tout début du confinement, donc c'est un gros cadeau aussi déjà. Mais tu peux pas en profiter, c'est le cadeau. Le cadeau, c'est celui que je peux moins profiter, malheureusement. Bah oui, c'est les voitures, effectivement, c'est pas la saison. C'est pour le sport automobile, la voiture? Ah non, du tout. Presque. Et Mégane 3 coupé quand même, attention. Ouais, monsieur, ouais, ouais. Plaisir. J'ai envie de te poser des questions par rapport au fait que tu veux faire du sport. C'est quoi tes objectifs? Parce que faire du sport, c'est, je trouve ça vague. Donc, non, que en tu, fait, c'est mes objectifs. Ils viennent de très loin, en fait. Si tu veux, j'ai eu une opération, du coup, il a fallu que je fasse des... Ah, c'est un passage obligé, quoi. Déjà en place, j'avais déjà des trucs en place de fait. Ouais. Tu vois, en fait, une routine de sport que j'avais pas envie à la maison de repos, en fait, on t'imposait des journées avec des routines de sport. La et, rééducation. J'avais pas envie de les perdre. Du coup, je me suis dit, une fois rentré à la maison, bah, je vais continuer à les pratiquer, puis c'est ce que je fais. D'accord. Du coup, avec la marche, et puis là, le sport qu'on peut pratiquer à la maison, comme les pompes, abdos et... Mais alors, genre, ta routine, c'est quoi? Déjà, à quelle heure tu fais ton sport? Est-ce que t'as une heure précise ou pas? Non, ça dépend. Soit en fin de journée, donc en soirée ou le matin, ça dépend. Par contre, ne pas faire de sport à jeun, un conseil. Jamais. Ouais. On prend son petit déj et après on fait son sport. C'est ça. Parce que j'ai fait du sport à jeun, j'en ai fait pendant une heure et demie. Après, j'avais la tête qui tournait, donc c'est pas très agréable, quoi. Bah oui, oui. Il faut au moins bien s'hydrater et puis, ouais, avoir un peu de sucre dans le sang, quoi. C'est ça. Ou alors en faire moins longtemps. Dans la même. Une heure et demie, c'est ce qui est conseillé. Moi, j'ai fait une minute et franchement, j'ai pas eu la tête qui tournait. Non, mais... dans la même idée, si vous voulez, il y a aussi ne pas faire de sport après faire un don du sang. C'est. Oui, aussi, ouais. C'est assez sympa. Oui, c'est la sensation est assez drôle, mais bon, ça reste drôle un moment, quoi. Parce qu'après, tu t'évanouis. C'est pas cool comme sensation. Tu sais, Jolan, quand même, je sais pas si tu connais cette information, mais en faisant une heure de sport, on peut perdre jusqu'à 60 minutes, hein. Faut le savoir, hein. Oh là là là là, mais en une phrase, tu nous fais perdre du temps aussi. je sais, Laura. Oh là là. Non, et ça, oui, donc ta séance quotidienne, plus sérieusement, ça consiste en quoi? Quelle est ta routine? Moi, c'est plus pour améliorer ma condition physique, personnellement. Mais tu fais quoi en une heure et demie? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Des ça, pompes, c'est la motivation. Tu fais des abdos, mais, tu fais des. Comment tu ça se passe? Du gainage? Alors, non, le gainage, c'est à la fin, généralement. Ouais. C'est pour moi, c'est 30 pompes le matin. 30? 30 des séries de 30, ouais. Oh là, attends, des séries de 30. Des séries de 30. Là, ils tombent des nus en mode quoi. Mais honnêtement, on avait fait un défi dans Actu Solite, j'ai pas dépassé les 3. Je peux pas. À 3, ça bloque, moi. Oui, et après, faut s'accorder des pauses, ce genre de trucs. Ah oui, non, mais disons que. Tu t'en 30 secondes de pause, quoi. Moi, c'est 3 jours de pause. Du grand max, ouais. Et puis après, quand le rythme est lancé, c'est comme faire du vélo. Il passe de 30 à 100. Hein? Il passe de 30 à 100 dès que le rythme. Non, peut-être pas 100, non, jamais. Non, mais des séries de 30, déjà, comment tu peux arriver à 30, quoi? Moi, je peux pas. Physiquement, je peux pas. Hein. Yann, il est bloqué sur 30. Il y a différentes options, notamment quand t'arrives pas à faire des pompes sur les mains en mode gainage, genre tu poses tes genoux et oui, tu voilà, fais aussi, des pompes déjà à genoux. Ah oui. Alors, moi, tu fais les pompes dans l'autre sens, quoi. Moi, j'ai des fermes. Il y a des options dans les pompes, hein. Elle vient de nous entendre ça. Il y a des options dans les pompes. Moi, je fais des pompes à l'envers, c'est-à-dire, tu vois, avec les bras vers le ciel. Là, ça va, je peux en faire 30, là, si j'ai envie. Oui, pousser l'air, c'est bien. Pousser l'air, c'est bon. C'est les pompes débutants, ça. Oui, ou inverser, ça dépend aussi. Moi, j'appelle ça les pompes inverses. Bah, ouais, ou les pompes vers le vide, vers l'air, ça me pompe l'air. Jolan, couplet et dis des choses sensées. Ouais, non, mais j'essaie de dire quelque chose, mais vas-y. C'est tellement stupide que je vais laisser dire. Tu vois, couplet, vas-y. C'est plus stupide que moi. Alors là, t'as gagné quelque chose, là. Si c'est plus stupide que lui, hein. Non, mais vas-y, Jolan. En vrai, pour le sport, il faut. On le disait en début de l'émission, dans les résolutions et ce genre de choses, c'est qu'il faut une volonté déjà derrière. Et une fois que t'as la volonté qui est en place, tu as t'as des exercices sur internet, hein, t'as plein de programmes de musculation. Ah mais du coup c'est quoi l'objectif les... Parce que tu fais 30 pompes, mais pourquoi? Ah moi c'est pour perdre du poids clairement. Hein. Ah voilà, on en vient. C'est voilà, ça, d'accord, voilà. C'est pour perdre du poids en fait. Ok. Ouais, ouais. Lui, il pompe déjà, pas, déjà, hein. j'essaye de manger sainement et de perdre du poids. Donc. D'accord. Voilà, c'est les deux objectifs de cette année. Et ton objectif réalisable de perdre du poids, il est de combien à peu près? Tu veux perdre combien? On veut les détails. Alors là, combien, j'en sais rien. Alors, ah, sachez que le poids, c'est un chiffre sur la balance. Oui. Ah, parce que en vrai, ce qui est plus important, enfin, du coup, pour Noël, j'ai eu une balance connectée. Ah, balance connectée, j'en parlais tout à l'heure. Elle m'a fait du mal, la balance connectée. Mais c'est surtout que, en fait, c'est bien parce que ça permet de voir, bah, ok, admettons, il y a marqué 80 kilos sur la balance. Mais c'est pas que ça, les différents facteurs. Enfin, t'as notamment ton pourcentage de masse graisseuse, et en fait, ça t'indique sur une courbe, enfin sur un diagramme, en gros, bah si c'est bon, si c'est dans le vert, c'est ok. Si c'est dans le jaune, attention. Si c'est dans le rouge, attention. Il y a c'est très élevé. C'est selon ta morpho, en fait, tu peux pas perdre n'importe quel poids selon ta morpho. De la masse musculaire aussi. Combien de kilos de muscle t'as, combien de kilos de gras que t'as, et à partir de ça, tu te dis ah ouais, faudrait que je m'améliore sur ça. Enfin, perdre du gras, gagner du muscle. Sinon aussi il y a le taux d'hydratation, enfin bref, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Oui, et mais certaines personnes par exemple qui ont des os très solides, enfin du coup qui pèsent plus de poids que d'autres, quoi. Mais dire dire combien tu veux perdre de poids en soi, ça a pas de sens, enfin c'est un raccourci, ça a pas vraiment de valeur en fait. C'est, au final, ce qui compte, c'est la transformation physique quand la personne se regarde dans le miroir. C'est bien de prendre des photos avant après, genre je sais pas, en début d'année là tu vas te prendre en photo devant le miroir de face de profil, et puis à la fin de l'année tu vas faire pareil et tu vas voir les évolutions d'un point de vue physique, ou même et puis sentir bien en fait, juste tu le sens quand t'es au bon poids. Et aussi mesurer par exemple son tour de taille, son tour de hanche, et tu vois que les centimètres fondent, enfin même au niveau des vêtements. Moi, dis-toi que déjà avant le début de l'année, j'ai dû changer ma garde-robe de jeans par exemple, donc les résultats se font assez rapidement. Quand Déjà rien que ça se sent. C'est très satisfaisant. Et dis-moi, petite parenthèse, Laura, quel message ils ont voulu faire passer les personnes qui t'ont offert une balance connectée? Non, mais je me la suis commandée. Ah, d'accord. Le problème des balances, je trouve ça trop, tronxogène, je trouve. Quand tu fais vraiment attention à tous les facteurs comme dit Laura, ce qui est intéressant dans ces balances connectées, c'est que c'est pas simplement un poids qui t'indique, mais c'est aussi ce qui va et ce qui va pas en fait dans ton poids, parce que tu peux avoir en fait, tu mets ta taille, enfin tu rentres différentes informations, et en fonction de ça, ils te calculent ta masse graisseuse ou ce genre d'indicateur qui peut te permettre des fois, voilà, t'es simplement charpenté et en fait, bah ça le fait. Si tu veux, t'es musclé, et les muscles, ça pèse du poids aussi. Mais c'est plutôt bon, et ton poids en fait correspond bien à ta masse musculaire, etc. Par contre, quand t'as du gras à l'intérieur, bah il te le signale aussi, quoi. Et c'est là que tu te dis, bah je vais travailler sur ça. N'est-ce pas, Théo? Et voilà, mais après, faut pas effectivement que ça devienne une obsession à se peser tous les jours et à noter, j'ai 30% de gras, oh mon dieu, demain j'ai 31%, enfin bref. Non, c'est à prendre avec parcimonie, bien sûr. J'ai des collègues qui sont sportifs dans l'extrême, qui sont obsédés par le poids et la perte de poids, genre c'est affolant des fois, mais bon, c'est un autre univers ça. Non mais c'est comme tout, hein, de toute façon, tout ce qui que ça touche à ce domaine là ou aux autres, il faut pas être dans l'extrême, quoi. C'est à dire on peut tendre vers, mais ça sert à rien de comme tu dis, par exemple se peser 2-3 fois par jour. Ça n'a aucun sens en fait, et puis c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas atteindre ton objectif finalement. Voilà. Joanne, tu voulais rajouter quelque chose sur J'étais en train d'y réfléchir, mais je pense avoir fait le tour. Mais après, sur des petits conseils par exemple que tu pourrais donner pour ceux qui voudraient conseils, franchement, en ce moment les temps sont un peu difficiles, on va pas se le cacher. Comme on disait tout à l'heure, le moral est pas forcément très bon, et le sport ça crée des hormones de plaisir, donc donc ça fait du bien au moral. L'endorphine, totalement. Ça crée de la dopamine, pas de l'endorphine. La dopamine, c'est ça? Ça crée du plaisir, et comme écouter de la musique, ce genre de choses, et ça fait que du bien au moral, donc ça permet de changer certaines habitudes aussi. Donc moi perso, ça fait plus de bien qu'autre chose de faire du sport, donc. Non, mais ça fait du bien à énormément de personnes, hein, de toute façon, de faire du sport, et parce puis, que c'est une bonne manière pour se vider l'esprit, une bonne manière pour faire du bien aussi à notre corps. C'est très bien. J'aime bien quand c'est toi qui dis ça, surtout. Tout ce qui est activité physique, même les gens qui ne peuvent pas trop, pour des raisons quelconques, faire de sport, au moins faire de la marche à pied, au moins bouger, toute activité physique, il faut en faire. Même si tu marches 10 minutes tous les jours, c'est plus que suffisant. C'est vraiment un minimum, en effet. Ah ouais. Non, mais c'est vraiment très important. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais pas. Ouais, ça a l'air d'être. En fait, le rythme, il vient tout seul, c'est ça, je voulais en venir. Le rythme de quoi? De faire du sport quotidiennement? De faire du sport à la maison, et une fois que tu as la volonté, le rythme, il vient tout seul. Oui, non, mais c'est vrai. Après, en plus, comme tu disais tout à l'heure, il y a pas mal de choses qui sont disponibles sur Internet. Donc même en période de confinement, même en période, voilà, on peut, si on a la volonté de le faire, on a accès à un large panel d'exercices pour pouvoir faire du sport à la maison et même être ambiancé par des vidéos sur YouTube ou de l'audio, des choses comme ça. Donc voilà, je dis pas que ça remplace le sport en salle, mais en tout cas. Ça donne quand même cette motivation à partir du moment où on arrive à la trouver avec ce genre de contenu. Voilà. Ok, très bien. Eh ben écoute, merci Jolan pour ces petits tips. Daniel, dans un instant, qui ne prend pas de bonnes résolutions. Non, j'en prends pas. Mais il va nous expliquer pourquoi. Et puis il va nous expliquer comment se sont passées ces fêtes de fin d'année. Ce sera après Kibachad. Voici toi sur Indestar. Parce qu'on est con ou confiné. L'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. Ouais, ça, effectivement, on ne sait pas trop. Mais on est là jusqu'à plus de 23h, puisqu'il est déjà 23h passé sur Indestar. Si vous avez loupé un bout de cette émission, ne vous inquiétez pas, demain, vous aurez le podcast disponible sur une vingtaine de plateformes pour pouvoir la réécouter quand vous le voulez et où vous le voulez. C'est ça le principe de la radio moderne. Et on est là pour vous en faire profiter. Indestar avec l'émission à la maison forcément... le petit bilan de l'année 2020 avec ce qui s'est passé pour nos fêtes de fin d'année et ce qu'on va faire en 2021 si on a pris par exemple des bonnes résolutions. Rien de tout ça pour Daniel, puisque tu ne prends pas de bonnes résolutions. C'est une tradition. Tu vas nous expliquer pourquoi. J'aime pas les résolutions. Parce qu'il n'aime pas ça, voilà. Mais il va quand même nous expliquer pourquoi. Mais comment se sont passées tes fêtes, Daniel? Elles sont passées en route, autour d'une table, en partie. Oui, alors ça, c'est plutôt bon signe, en principe. Oui. Alors, je ne vais pas suivre les conseils de Jolan, parce que... Oui, moi, j'aime bien boire un petit coup, j'avoue. C'est normal, hein, faut se faire... Viens boire un petit coup à la maison. À la maison. Oui, à la maison, c'est pas mal, oui. Il y a toujours un peu de bon vin, il y a toujours bonne chose, oui. Donc... Donc ça s'est bien passé. D'ailleurs, les gens me connaissent bien parce que j'ai eu quelques bouteilles, on va dire, en cadeau, essentiellement ça. Ah, c'est un client fidèle. Parce qu'il aime la picole. Non, mais je suis défoncé. Un vin français, oui. Alcool français, voilà. D'accord. Mais bon, je n'abuse pas. J'aime déguster ce qui est bon et je n'abuse surtout pas. Hein. Et ça, en famille, du coup, Noël, les gens ont pu venir quand même. Les deux, Noël, premier de l'an, mais pas au même endroit. J'étais dans entre Tours et Le Mans pour Noël. D'accord. Et du côté de Carnac, Quiberon, pour le premier. Ah ouais, chouette. T'es parti en vacances en fait aussi. Est-ce que t'as eu des... Oui, en fait. Pas trop longtemps parce que je devais rester un peu plus longtemps au départ et comme je devais revenir pour un de mes fils qui avait un peu de, on va dire, d'occupation, je suis revenu. On est revenu ensemble. Voilà. Est-ce que t'as eu des cadeaux? Comment? Est-ce que t'as eu des cadeaux? Oui, des bouteilles comme je disais. Ah oui, il l'a dit. Hein. Mais à part des bouteilles. Oui, alors je vais un peu détailler quand même. Alors, du Bordeaux rouge, je vais taire la remarque. Et on m'a offert gentiment, on va dire, un kit pour faire du rhum à Angers. Oh. Ah, okay. Ça c'est bon. Toi-même, ta propre boisson. Ouais. Voilà, avec des conseils de recettes. J'ai déjà essayé. Je vais déjà adapter les recettes, la première recette d'ailleurs. D'accord, très bien. Bah, tu nous feras un petit rapport, savoir si ça a fonctionné. Ah, c'est un peu mieux qu'un rapport, quand même, on essaiera de voir ça. Oui. Mieux qu'un rapport. Oui, bah non, mais moi, honnêtement, je préfère que tu me fasses un rapport écrit parce que moi, l'alcool, c'est pas mon dada. Bah, mais, on partage les tâches. Mais je croirais sur parole ton rapport, y a pas de souci. L'alcool. Oui, bien sûr. Mais Daniel, alors pourquoi tu prends pas de bonnes résolutions, toi? C'est parce que t'as pas d'idée ou c'est parce que t'as une raison particulière? Non, non, j'aime pas prendre de résolutions. D'ailleurs, je l'ai fait un peu sur le ton de la plaisanterie, mais c'est vrai. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Moi, je vais vous donner les miennes après. Ouais. Pourquoi, à mon avis, je n'en prends pas? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas de résolution en se disant « De toute façon, ça ne sert à rien, je ne les tiendrai pas. » Oui, c'est... Ils ont raison ils ont raison à 94% d'ailleurs. Ouais. Là, c'est ça. Il y a des gens qui se disent aussi « De toute façon, je vais prendre des... » Voilà, comme je disais, je ne les tiendrai pas parce que je vais prendre des résolutions impossibles à faire aussi. Mm-hmm. Il y en a qui ne veulent rien changer à leur vie, qui veulent rester comme ils sont. Ouais. C'est-à-dire, le train-train habituel, je suis bien dans une vie de train-train. Bon, chacun sa façon de vivre, de toute façon. Ouais, ou pas train-train, mais après, c'est vrai que le principe des bonnes résolutions, encore une fois, et Laura le disait très bien, l'idée, c'est aussi de se dire, bon, ça peut être des projets, des choses comme ça, mais c'est vrai que traditionnellement, c'est les bonnes résolutions, c'est faut vraiment que je me tienne à un truc à partir du 1er janvier et pour le reste de l'année. Et des fois, on peut simplement se dire, finalement, on fait le bilan, on se dit, ma vie est pas mal, tu vois, donc pourquoi prendre une bonne résolution, finalement? Si, oui. Alors, je fais quand même une parenthèse. Alors, peut-être quand même que dans ma vie, j'ai pris des bonnes résolutions. C'est peut-être arrivé. Mmh. Hein, mais à mon avis, à ce moment-là, j'étais gamin, donc j'étais influençable. J'ai envie de dire, on prend tous des résolutions à un moment donné dans notre vie, mais pas forcément au premier de l'an, quoi. Et pas forcément ceux qu'on fait habituellement le premier de l'an. Justement aussi, c'est un point que j'allais aborder avant de vous expliquer pourquoi, moi, à mon avis, j'en prends pas. Mm-hmm. Il y a aussi le fait de dire pour un certain nombre de personnes, c'est pas parce que je passe le premier de l'an que je dois prendre une résolution, une bonne résolution. Mm. Ouais. Ouais. Non, ça doit pas être une obligation, en fait, ça doit pas être une marche forcée, parce que la répercussion d'une marche forcée, c'est que finalement on abandonne au bout de 15 jours, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. C'est comme par ça. Exemple, je vais revenir, mais sur le sport, par exemple, t'as plein de gens qui vont s'inscrire après le nouvel an en salle de sport, et genre deux semaines après, il n'y a plus personne, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais c'est oui, les gens achètent tous les forfaits au début janvier, et puis après les salles de sport ne voient plus les personnes. C'est peut-être aussi parce qu'il y a une promo début janvier, je sais pas. Ils font leur promo pour que tu viennes. Non, justement. Mais des fois ils en font des promos début janvier, évidemment, mais parce que les gens ont tendance à le faire déjà de base, ouais. Donc ils se disent profitons du moment, mais pour faire une offre. De toute façon, ils vont souscrire et puis ils assisteront pas au cours. Oui, ouais. Vas-y. Non, il n'y a personne qui a parlé, vas-y. Alors, dans mon cas, je pense que c'est plutôt... Il y a une dualité qui est quand même assez importante, c'est que je suis à la fois très pragmatique et je suis un grand rêveur. Ah, donc les deux s'opposent. Donc, oui, comment tu peux mettre ça en corrélation? Je comprends pas, là. Voilà. Donc, dès que je veux prendre une résolution d'un côté, il y a l'autre qui me dit « Non, fais pas ça, c'est pas possible. » D'accord. Quel est le côté... En fait, c'est le côté rêveur qui veut prendre la bonne résolution, le côté pragmatique, il dit « Tu les tiendras pas », c'est ça? Non, des fois, c'est l'autre côté, le côté pragmatique qui dit « Il faut absolument que tu fasses ça », puis le côté rêveur qui va dire « Oh bah non, après tout, tu vas pas t'embêter à t'obliger à faire ça, tu vois. » Ouais, je comprends. Ouais. Ça dépend, je vais dire, du jour, de l'humeur, comme je suis. D'ailleurs, c'est un peu ma vie de tous les jours. Je commence des fois par des choses vraiment très terre à terre et je les finis dans des créations artistiques. C'est un peu le film de ma vie, ça, de toute façon. Hein. Ouais. Ça fait partie de ton caractère, quoi, finalement. Absolument. Ce serait limite, enfin si je dis pas de conneries, mais limite un fardeau pour toi d'avoir des bonnes résolutions, non? Oui, ça en serait un, hein, oui. Ouais. Oui, t'as bien vu, c'est ça. C'est ça. Bravo, Jolan. C'est ça, alors. Oui, non, mais bien, je pense qu'il a droit à un petit applaudissement. Applause. Bon point, Jolan, t'auras droit à une image, hein, promis. Le logo Intel Star sur ta page Facebook, non? Ah ouais, attention. Alors, ceci dit, quand même, je me suis dit, c'est peut-être bien de prendre des résolutions. Alors, en préparant le sujet, j'ai quand même fait des recherches. Ouais. Si, supposons, si je prenais des résolutions, qu'est-ce que je pourrais prendre quand même? J'ai beau avoir des dualités, mais je peux peut-être essayer de supposer quand même. Bien sûr. Voilà. Alors, j'ai pensé des classiques. Vous en avez parlé tout à l'heure, arrêter de fumer. Oui. Ouais. Bon, la question se pose pas, je fume pas. Bah oui, c'est vrai que j'ai pensé à celle-là aussi, et puis je me suis fait la même réflexion. Voilà, alors en plus, il faut savoir que mon entourage me le rappelle très souvent, parce que ils me disent, écoute, Daniel, fume pas, c'est le seul défaut que t'as pas, alors s'il te plaît. Voilà. Oui, mais en même temps, tu remarqueras que si tu te mettais à fumer, l'année prochaine, ouais, tu pourrais prendre la bonne résolution d'arrêter de fumer. Tu vois, chose que tu ne peux pas faire actuellement. Ouais. Donc vaut mieux pas commencer, quoi, pour le coup. Bah ouais, mais au moins ça fait une bonne raison de prendre une bonne résolution. Finalement, je vais peut-être prendre la résolution de ne pas commencer à fumer. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. Ça pourrait être pas mal. Alors, il pourrait y avoir aussi celle d'arrêter de boire. Oui. Ouais. Difficile pour un amateur d'alcool quand même, de bon vin. Et puis bon, il y a une chose que vous savez pas, c'est pas possible. Je peux pas arrêter de boire. Parce que je suis fils de viticulteur, je vais pas renier mes origines quand même. Ah ouais, mais ça veut rien dire du tout. Parce que j'en connais un qui est petit-fils de vigneron et bizarrement il boit pas. Ou du jus de pamplemousse. Exactement, mais. N'est-ce pas, Théo? J'assume totalement. Bon, je vais te taquiner un peu, hein, mais c'est une excuse. Absolument, c'est une. Parce que moi, je suis breton et tu sais, les Bretons est une terre festive. Et du coup, je pourrais sortir aussi cette excuse-là pour. Ouais, bon. Oui, voilà, bien, quoi. Mais on a le droit. On a le droit de sortir. On a le droit de sortir les excuses quand ça nous arrange. Voyons. Non, bah, pour moi, je peux pas l'accepter parce que effectivement, je suis petit-fils de viticulteur aussi et je suis né le jour de la Saint-Patrick. Donc, si tu veux, j'ai double peine. Et pourtant, je ne bois pas. Va falloir que je prenne en main ton éducation alors. Hein. Il y a aucune chance. Très bien. Je m'en plains pas. Alors, je pensais aussi, comme Jolan d'ailleurs, faire du sport. Mmh. Hein, ouais. Alors, sportif, ok, mais pas trop. Hein. Je pratique déjà la pétanque et les échecs. Alors, En vrai, tu fais de la marche, Daniel. Oui, ouais, bah, c'est la seule chose que je peux faire. Tu fais des allers-retours pour aller chercher les boules quand t'as fini. La marche, c'est la seule chose que je peux faire, étant donné que j'ai eu un accident qui m'empêche de courir et de faire plein de choses. Donc, ouais, mais de la marche, c'est une très bonne activité physique. Hein. Voilà. Alors, j'ai pensé aussi à mieux manger. Oui. Hein. Alors là, j'ai eu un réel problème. Par rapport à un problème d'éthique, non, Oui, qu'est-ce que c'est mieux manger? Parce que entre les végétariens, les véganes, les amateurs de bonne chair, ceux qui jurent que par le bio, je choisis quoi pour mieux manger? T'as pris quand même les plus extrêmes. Non, mais techniquement, moi je dirais le bio. Je peux l'expliquer, hein, parce que en fait, le bio, c'est manger naturellement sans produits chimiques, mais c'est la nourriture qui est la plus variée. Or, quand tu commences à un régime, moi. Après, les végétariens, c'est simplement enlever la viande, ça peut le faire. Et après, t'as les véganes, t'as les végétaliens, etc., etc. Les flexitariens. Et tu enlèves des aliments à ta liste. Et sachant que l'homme est omnivore, il faut en trouver des substituts et c'est pas forcément évident à trouver. Donc, je dirais qu'une alimentation bio est une alimentation saine et c'est déjà très bien. Ça, c'est un peu ce que je me suis dit quand même. Alors j'ai pensé aussi à une autre qui me paraissait plus difficile à faire, enfin qui ne dépendait pas que de moi finalement. Je me suis dit peut-être que je pourrais éviter de tomber malade. Ah ouais, mais effectivement ça ne dépend pas que de toi. Ça. Ouais. Ou alors là pendant que je discutais, si, il y en a une que je prendrais bien finalement. Finalement, je crois que je vais arrêter de travailler. Ça s'appelle la retraite, ça. Déjà fait. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Ça a déjà un nom, il y en a qui l'ont déjà fait. Mince, oui. Je croyais innover. Déjà fait. Je travaille pas depuis 2021. Donc voilà, alors finalement, Je vais continuer à pas prendre de résolution, ou alors j'en prendrai une tellement nulle qu'elle sera impossible à tenir. Oui, comme ça. Mais tu feras comme la majorité des Français en même temps. C'est pour se donner bonne conscience. On se dit j'ai une bonne résolution et puis bah qu'on a abandonné le 14 janvier. Mais en même temps, on n'a pas honte parce que finalement personne va te poser la question, sachant que les gens autour de toi ont aussi abandonné leur bonne résolution. Donc chacun a honte de son côté, tu vois. Tu te sens un peu moins coupable pour le coup, quoi. Ouais, bah c'est ça, exactement. En fait, il y a 94% des Français qui détestent les 6% qui tiennent leur résolution. Après, t'es détesté tout le monde. Et ouais, 6% d'ailleurs. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est très peu. Moi, je suis dans les 94%. Bah en tout cas, merci Daniel de ta vision des choses sur les bonnes résolutions, mais qui nous font aussi décomplexer, hein, parce qu'on se dit voilà, c'est clairement pas une obligation de prendre des bonnes résolutions, et si on les prend, ça doit, comme disait Laura au début, hein, ça doit vraiment nous apporter quelque chose, et faire en sorte que ça nous apporte quelque chose à nous, et pas, c'est pas pour prouver aux autres non plus qu'on va prendre une bonne résolution pour finalement pas s'y tenir et être déçu de pas s'être si tenu, quoi. Moi, c'est que je me sens moins coupable maintenant d'un seul coup de plus en prendre, finalement. C'est bien. Voilà. Tu fais bien. Moi, tu vois, j'aime beaucoup cette manière de penser, tu vois. Je trouve ça sympathique. Du coup, t'arrêtes le sport? Ça change. Non, j'ai pas arrêté. Mais, parce que moi, c'est une motivation qui me... Ah oui, je plaisantais, évidemment. Mais ouais, le fait de pas se mettre la pression parce que tu sais que tout le monde va en prendre, en vrai... Mais pas se mettre la pression, ça vaut dans beaucoup de choses au final. Hein. Ah mais je suis d'accord avec toi, Teddy, c'est ce que j'allais rajouter. Hein, c'est dans la vie en général, faut garder à l'esprit, les copains, que c'est votre vie. Donc, donc peu importe ce que peut penser l'entourage, même sa famille, hein, des proches, etc. Chaque choix que vous allez faire se répercute sur votre vie. Donc on peut vous dire oui, tu ferais bien de faire ça ou ça, mais seul vous vivra la situation. Donc à partir de ce moment-là, quand on a ça en tête, on peut se dire qu'il y a certains choix qu'on va peut-être faire différemment parce que finalement, balèque, quoi. Voilà. Je soutiens complètement ce que tu dis. Quoi que tu fasses, ne te mets jamais la pression. Sauf quand c'est dans une bière. On ne sait pas ce qui s'est passé, toi, pour cette fin d'année et quelle résolution tu as prise. Tu vas nous en parler dans un instant, c'est ça? Ouais. Moi, ça va être la tache noire sur ce beau tableau. Tache noire, la tache d'encre qu'on ne peut pas laver, c'est ça. Parce que jusqu'à maintenant, ça restait, on va dire, dans le positif. Quoique, ça dégringolait du début jusqu'à la fin de l'émission. Au début, c'était positif, à fond. Après, c'est devenu un peu plus neutre. Et là, ça va commencer à redescendre, tu vois. Ça va descendre encore. Parce que là, avec Daniel, on était dans le positif aussi, hein, pour le coup. Dans le positif, hein. Voilà. Oui. Mais avec Jonathan, c'était encore plus super positif que moi. Faites du sport. Faites du sport. Allez-y, mesdames et messieurs, faites du sport. Mais comment se sont passées les fêtes de Teddy? C'est un peu le suspense et vous allez devoir attendre 2 minutes 55 pour l'entendre. Puisqu'on va écouter Jack Coco avant avec Some King's Way sur Indestar. Dans cette émission à la maison. Vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Et oui, tous ensemble pour vivre, alors non pas ce confinement, mais ce couvre-feu maintenant, avant peut-être un nouveau reconfinement. Mais ne parlons pas de malheur. Vous êtes sur Indestar, c'est lundi soir aujourd'hui, et tout va bien parce que c'est la reprise 2021 au taquet. On souhaite tous une bonne année. Et on raconte aussi ce qu'on a vécu durant les dernières semaines, durant ces semaines de vacances. Les fêtes de fin d'année qui sont toujours propices à bien manger, à se retrouver, à avoir des cadeaux si vous fêtez Noël ensemble. Pour Teddy, comment se sont passer les cadeaux de Noël? Je sais que toi, tous les ans, on t'est dit, t'as vraiment les cadeaux que tu demandes et tout le monde te fait plaisir et ça se passe toujours super bien en famille, hein, c'est ça? Oui, non, peut-être, je sais pas. Ouais, je suis pas sûr. Hein. On veut tout savoir. Alors, raconte-nous des anecdotes savoir, croustillantes. De base, Noël, je le fêtais pas trop parce que j'ai été souvent boulanger dans ma vie, donc j'ai souvent pas fêté Noël en fait. Depuis que parce je suis, que, bah, depuis que je suis boulanger. Le boulanger veut que tu travailles à Noël, quoi. Voilà, c'est je ça. Et parce que j'ai aussi, bah, avec Teddy, on est un peu dans le même domaine de la cuisine, du travail pour le coup. Et j'ai fait des horaires aussi un peu relous, travailler la veille de Noël et même pendant le réveillon, c'est très. Ah bah ouais, c'est un classique. Sans être dans le domaine de la boulangerie, j'ai fait aussi. Ouais. Donc en boulangerie, t'es obligé de travailler le jour même, la veille. Tu dors même pas des fois. Tu voilà, tu les enchaînes. Tu dors sur place dans la boulangerie. C'est magnifique. Ouais. Ouais, puis c'est vraiment des périodes, tout ce qui est vente, hein, en règle générale, ouais. Pas que, hein, mais tout ce qui est secteur de la vente, forcément à Noël et durant les fêtes de fin d'année, c'est à fond, ça travaille à fond parce que tout le monde veut se nourrir, inviter du monde, etc. Donc forcément, les gens commandent le plus gros chiffre d'affaires de l'année, quoi. Et ouais, faire des cadeaux, etc. Donc forcément, tous les commerces travaillent à fond et c'est pas de tout repos pour les commerçants. Mmh. Exactement. Donc si on part de ce principe là, j'ai jamais trop fêté Noël à partir du moment que j'ai commencé à travailler en boulangerie. Donc ouais. Je sais plus à quel âge j'avais, mais bon, peu importe. On va dire ça faisait peut-être une dizaine d'années. Donc là c'était vraiment mon premier Noël où que je pouvais le refaire avec ma famille. Donc ça leur a fait bizarre, clairement. Bah, parce qu'ils avaient plus l'habitude. Hein, ça a été oh zut, il est là. Bah, mais non, mais c'est pas ça, mais ils avaient pas trop l'habitude, tu sais. C'est comme pour les cadeaux, par exemple, ils avaient plus trop l'habitude de faire des cadeaux à ce moment-là, ils m'en faisaient plus tard, ou voilà. Mais vu que j'étais pas là, ils s'en foutaient un peu. Enfin, voilà. Non, mais clairement, c'est pas méchant, hein. Ils m'aiment bien, mais bon, j'étais pas là, donc bon. Ils ouais, voilà. De loin. Exactement. Donc là, cette fois-ci, j'étais là, donc ils ont été perturbés au niveau des cadeaux, ils savaient pas quoi m'offrir. Franchement, j'ai eu des. C'est surtout qu'ils ne l'ont pas acheté en solde après la période de Noël. Non, mais ils ne savaient même pas quoi m'offrir. Et je suis tombé sur des perles. Avant Noël. Des perles, mais. Ah là là, ah, j'adore. Ça a coûté plus cher, ils ont dû acheter avant. Non, mais ils ne savaient même pas quoi acheter, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Ouais. C'est. Bon, bah, je vais vous foutre un peu mon bazar, j'ai pas réussi alors. Hein. Non, mais. alors, j'ai. Au niveau de ma copine. J'ai eu mes cadeaux de Noël là mi-janvier. Bon, c'est parce qu'elle savait pas quoi prendre elle non plus. Bah, elle n'était pas habituée non plus à ce que tu sois là apparemment. Ouais, mais oui. Mais elle avait pas d'idée. Elle avait pas d'idée, mais on vit ensemble, tu vois. C'est ça qui me fait rire. Mais bon, j'en veux pas. Au moins, j'ai eu des cadeaux. Elle m'a offert deux jeux de vidéo, un pantalon et un chargeur nomade. Ah, bon. Oh, bah c'est bien ça. En sachant que. Attends, ah, c'est pas mal. Gâtée. Mais bon. Allez. C'est pour partir en vacances avec Audran. Oui, c'est pour se débarrasser. Alors, si on veut chipoter, elle m'a offert deux jeux vidéo. Je lui avais déjà expliqué comment choisir des jeux vidéo parce que quand on joue à beaucoup de jeux vidéo, on joue pas forcément à tout, comme à FIFA par exemple, tu vois. On m'offre un FIFA, je suis capable de m'énerver pour ça. Tu sais que moi j'ai gardé un calme exceptionnel. Olympien, franchement, je t'admire. On t'offre un jeu vidéo et toi tu vas t'énerver contre la personne qui te l'a offert. Attends. Bah, c'est pas s'énerver, mais bon, contre la personne qui. Tu vis avec elle H24. Tu la connais la personne un peu quand même. Un petit peu. C'est pas s'énerver. Tu peux, t'es pas obligé de taper dans le mille. Surtout quand la personne a déjà pas mal de choses, etc. Oui. Des fois c'est un petit peu compliqué, non? J'exagère peut-être. Mais bon, ouais. J'avoue que si on m'offre un FIFA, je le prends très mal. Quand même. As-tu pensé que c'est peut-être tes copains qui ont suggéré à ta copine de t'offrir FIFA pour jouer avec eux à FIFA? Eh oui. Non, parce que c'est je n'ai pas d'amis. Non, parce que je n'ai pas d'amis qui jouent à FIFA, parce que ce ne sont pas mes amis. Ah, il a éloigné. Tu viens en direct te briser une amitié, quoi, en gros. Non, c'est pas ça. Jolan, tu pourras plus prétendre à devenir ami avec Teddy parce que t'as FIFA, quoi, tu vois. Ouais, c'est plus possible. Non, c'est pas ça. Elle a choisi des jeux un peu au hasard et parce qu'ils étaient pas chers. Ah, les fameuses promotions des jeux vidéo. Voilà, c'est ça. C'est bien parce que, ouais, tu peux tomber sur des jeux très bien. Évidemment, il y a un des deux jeux. Je suis tombé sur Darksider 3. C'est un bon jeu, c'est un excellent jeu. J'ai pas entendu, ça a coupé. Darksider 3. Darksider. Ouais. Okay. De THQ Nordic. Bon jeu. Clairement, j'ai bien apprécié. Il est propre de A à Z. Ça va. Mais le deuxième... en principe, t'as tout type de jeux dans cette figure-là. C'est soit des jeux qui sont un peu anciens, qui étaient des bons jeux, et qui sont des jeux un petit peu anciens, donc du coup, ils bradent. Ouais. Ou alors, tu as des jeux qui, de toute façon, ne valent rien et qui ne se vendent pas, donc du coup, ils bradent aussi. Et ils peuvent être récents, hein, mais faut pas les acheter, ceux-là. Ouais, voilà. Et le deuxième, c'est un jeu qui joue qu'en ligne et je ne joue pas en ligne en fait. Donc l'utilité d'un tel jeu ne m'est pas très utile. C'est For Honor. Il est là le petit hic dans le cadeau. Ouais, c'est là. Mais je vais essayer d'expliquer parce que c'est pas tout nouveau ou voilà, quelqu'un qui s'y connaît pas, forcément, c'est compliqué. Oui, bah, mais je lui ai déjà montré, je lui ai déjà expliqué. Tu retournes un jeu, tu regardes le premier carré. C'est écrit One Player, ça veut dire que tu peux y jouer tout seul. C'est écrit Requiert de Online. Okay. Bah, c'est qu'il y a besoin d'internet. Et c'est que ça joue en ligne. Donc, la théorie voudrait que. Le jeu en ligne que t'as eu, c'était quoi le nom? For Honor. Mais je lui ai expliqué après, je lui ai dit, mais c'est un jeu en ligne. Elle me dit, ouais, je sais, mais comme il était pas cher. Oh putain! Non, mais j'adore ce genre de réflexion, putain! Non, mais c'est peut-être pour qu'il y ait un deuxième jeu, tu vois. Elle aurait pas eu forcément les moyens de te payer un deuxième jeu. Et là, elle a vu ce jeu-là, elle s'est dit, bon, bah voilà, en plus du premier qui peut te faire plaisir, je vais lui acheter ce deuxième. C'est plutôt bien. Je salue l'effort et je trouve que c'est quand même. Ce qu'elle m'a offert, c'est quand même le mieux de ce Noël, on va dire. Parce que je peux clairement faire un classement. Ah ouais, un classement. Ah ouais, on en arrive là. Donc ça, c'est ta copine donc, qui se place en top du classement. Ouais. Enfin, ouais. On va dire, il y a mon frère aussi qui m'a offert des cartes Yu-Gi-Oh! Il a visé dans le 1000 aussi. Donc ça va. Ah, ouais. Parfait. Ouais. J'en demande pas plus. Ils connaissent mes passions, ils savent. Jeux vidéo, cartes, d'accord. Voilà. On en vient. Jusque-là, c'est cool. Voilà. Ma sœur, une petite figurine pop. Ça, c'est un cadeau qui passe partout, je pense, maintenant. Tout le monde connaît le principe des figurines pop. C'est des figurines, on va dire. Tu voulais dire quoi, Martin? Oui? Tu connais Non, c'est moi qui. Ah non, c'est Jolan, pardon. Oh, vas-y. Non, je disais, moi, je connais bien parce que j'ai mon petit frère qui est. Enfin, pas accro, mais qui est fan de ce genre de truc parce qu'en fait, ça. C'est des personnages caricaturés, en fait, avec des grosses têtes, voilà, des gros yeux. Des trucs de dessins animés, de mangas, de tout films, univers. Tu peux avoir des Harry Potter, tu peux avoir des jeux vidéo, tu peux avoir tout. Donc voilà. Ouais, donc en fait, en fonction de ce que tu aimes dans la pop culture, tu as ta petite figurine. Bah, c'est ça. Et puis c'est. Clairement. En vrai, il y en a qui vont trouver ça laid, mais moi, je trouve ça super mignon en vrai. Non, c'est pratique. Mais bon. Voilà, donc. Avis dans le mille, plus ou moins. Voilà, ça passe partout, ça, les figurines pop. T'es sûr? Enfin, t'es sûr que ça passe? Jusque-là, t'as eu un bon Noël. Ça va. Et on en revient à la question de mes parents. Attention. les parents c'est toujours compliqué. Hein. Ah, ils ont du mal, hein, clairement. Et les parents, je coupe les oreilles, ça vous concerne pas. Hein. Là, je vais pousser un petit coup de gueule. Ma mère. C'est pas gentil ce qu'elle a fait. Déjà, elle t'a offert un cadeau. Elle m'a offert un cadeau. Elle a eu du mal à le trouver, soi-disant. Elle m'a offert un pull. Oui. Et on pourrait même le qualifier de pull moche. Ah merde. Ah, c'est pour le concours de Noël du pull le plus moche. Il était juste moche sans être de Noël. C'est ça le pire. J'espère qu'elle l'écoute pas parce que. Bon, je lui ai déjà dit, hein, t'inquiète, je l'ai refusé. D'accord. Je l'ai refusé, clairement. Le match passe tes mots, t'es dit. Je l'ai refusé. Je lui ai redonné. Ouais, parce que. Alors. Refusé. Tout le monde me connaît pas, évidemment. Mais par contre, mes parents me connaissent. Ils savent que depuis que je suis tout petit, je ne mets pas de pull. Je n'ai jamais mis de pull, ils m'ont fait la guerre. Hein? Bah rien, moi je me bats dans maillot, moi j'ai chaud moi. Et Teddy il est en t-shirt toute l'année. Bah ouais. Ils avaient peur que t'aies froid en plus avec. Bah j'ai pas compris. Avec la saison qu'on a, là, regarde ça gèle le matin. Bah ouais, mais non. Ils avaient peur. Il est dans le fournil, Teddy, il a pas froid. Mais oui, j'ai jamais eu froid de toute ma vie. Enfin si, j'ai toujours. Enfin, ouais, je suis pas un surhomme non plus, mais je mets jamais de pull, j'ai tout. Je me balade en maillot, j'attendais le bus le matin à 6h en maillot, enfin peu importe, moi je m'en fous. J'avais toujours chaud. En été, hein. Oui. Ah non, mais en hiver, moi par contre, je parle. Sinon, c'est pas drôle. J'étais même connu sous un surnom, ça s'appelait Théodore aux mains gantées. Alors c'est Amboise que j'étais connu, attention. Théodore aux mains gantées. Bah, oui, parce qu'en gros, je me baladais en maillot mais avec des gants. Ça a choqué des gens. Mais bon. D'accord. Pourquoi pas? Je peux comprendre. Oui, bon. Qu'importe. Voilà, donc elle m'a offert un pull et j'ai cherché à comprendre parce que, quand même, elle est habituée en fait à ce que je ne mette pas de pull. Elle m'a fait la guerre depuis que je suis tout petit parce que généralement les parents c'est protecteur. C'est il fait froid dehors, va t'habiller. Et quand tu vois ton gosse, non! Justement, peut-être qu'il y a cet Insta-là qui est revenu en disant ça se trouve, il a mûri, il a changé et tout. Je vais lui offrir un pull, il a pas mûri non quoi. Oui, mais j'ai toujours pas froid. Je n'ai toujours pas froid. Il va faire plaisir, il va mettre son pull. Non, mais j'ai appris le fin fond de l'histoire. Quand j'y suis arrivé. je pense qu'il y avait peut-être cet état d'esprit là. Après, je sais non, pas. Non, non, c'est pire, c'est vicieux. De Noël, tu connais. Il se trouve que ce pull. Sombre que ça. Ouais. Malheureusement. Ce pull, elle l'avait acheté. C'était pour quelqu'un d'autre. Oh non. Et moi, elle n'avait pas trouvé de cadeau de base. Et du coup, elle s'est dit, ah bah tiens, je vais le donner à mon fils. C'est pour ça le petit coup de gueule. Parce que quand même... Ça aurait pu très bien passer, en fait, avec n'importe qui d'autre, sauf avec toi, finalement. Un pull, peut-être. Bof. La personne à qui a compté de l'offrir, effectivement, il met des pulls moches, donc oui. Clairement. Bisous à mon cousin. Bisous à toi, Xavier, si tu nous écoutes. Tu mets des pulls moches. Xavier, tu le sais. Être ravi d'entendre qu'il met des pulls moches. Ah, il le sait, de toute façon. Bah moi, Xavier, j'ai hâte de faire ta rencontre et de voir tes pulls moches. T'inquiète pas. Mais bon, c'est pas très grave. Faut pas en faire tout un plat, voilà. Mais bon, je l'ai quand même mal pris. Et après, elle a voulu se rattraper. Elle a voulu se rattraper, elle a dit bah, qu'est-ce que t'aimerais parce que du coup j'ai pas d'idée. Alors je lui ai dit oh bah tu sais à part. Attends qu'on revienne. Tu as découvert, enfin t'as découvert ton pull au moment de déballer le cadeau. Exactement. Quelle a été ta réaction à ce moment-là déjà? Bah, je suis sûr avec quoi, humour. Non, avec humour je lui ai dit tu es sérieuse. je rigolais quand même mais c'est un rire. Ça faisait un peu mal, tu vois. C'était un rire, mais qui faisait mal un peu. Tu vois. Ouais, mais du coup, je lui ai dit, mais non, non, je peux pas accepter ça. C'est un pull. Nerveux un peu, tu vois, genre. Tu m'offres un pull que je ne vais jamais mettre. Pourquoi, maman? Pourquoi tu fais ça? Et là, t'as dit non, mais je comptais pas te l'offrir à toi. Ou ah non, ça elle me l'a jamais dit. Ça. Ah non, ça, je l'ai appris en douce en menant l'enquête. Ah. Oh putain, mais. Auprès de mon père. Mon père, c'est une balance. D'accord. Mais ton père, il était complice de. Parce que c'était tes parents qui t'offraient le pull. Ah, alors, les cadeaux de ma famille, c'est souvent ma mère. Mon père, il suit. Il met l'argent à la rigueur, mais il suit, tu vois. Ouais, il suit. Ouais. Les moments où tu suis, tu cautionnes, hein. Ouais, ouais, c'est possible. Mais bon, voilà. Il était peut-être même pas là quand elle a acheté le pull, en fait, si ça se trouve. Donc, bon. Ah. D'accord. Il savait peut-être même pas en fait ce qu'elle achetait. Tu lui as dit que tu connaissais la vérité et que du coup t'étais pas fan de ça. Je lui ai pas dit et je lui dirai pas parce que bon, c'est pas très grave. Puis surtout, elle a promis. Elle veut se racheter d'une manière ou d'une autre. Elle veut m'offrir quelque chose d'autre. Ouais. Quelque chose qui va me plaire. D'accord. À partir de là, elle m'a demandé mais qu'est-ce qui va te plaire ? Qu'est-ce qui va te plaire ? Je lui ai dit oh bah tu sais, à part les cartes Yu-Gi-Oh, les jeux vidéo, les fringues, ça passe hein, parce que bon, on a toujours besoin de fringues entre guillemets. Des voilà fringues, quoi, tu vois. Sauf des pulls. Mais bah là, sauf des pulls. Sauf les pulls. Les pulls, c'est pas des fringues chez moi. Sauf des pulls, attention. Des fringues que je mets, genre par exemple, si tu m'offres une jupe, il y a quand même peu de chances que je la mette. Ça peut m'arriver, mais c'est rare quand même. Quoique, oui. Théoriquement, statistiquement, il y a plus de chances que je mette une jupe qu'un pull. Il y a plus de chances que je mette une jupe qu'un pull. Clairement, statistiquement, c'est sûr. Mais bon, je lui ai dit comme ça, mais attends, je joue aux cartes Yu-Gi-Oh depuis que je suis tout petit, tu m'as emmené à des tournois. J'ai fait un peu la mauvaise langue, mais bon, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Mon frère avait déjà offert ça, elle s'est dit je vais pas faire un doublon, je vais pas lui offrir aussi des cartes Yu-Gi-Oh quoi. Oui, mais bon, les cartes Yu-Gi-Oh, tu sais, t'as pas de doublons, enfin, tu peux avoir des doublons même dans les cartes, mais c'est pas. Enfin, peu importe. Non, mais de doublons de cadeaux, tu vois, que tu reçoives deux fois des cartes Yu-Gi-Oh, bon, ça fait aussi un peu. Ouais, je savais pas trop quoi t'offrir, du coup, j'ai fait comme ton frère, quoi. C'est pas mais faux, coup, mais ça fait toujours plaisir. Après, je vais parler d'autre chose. Je vais parler d'un truc de mon premier de l'an. Parce que c'était après le premier de l'an que j'ai eu cette discussion. Comment dire je l'ai fait avec toi, Théo, d'ailleurs. Que le premier de l'an. Ah, mais c'est pas le premier de l'an, c'est avant le premier de l'an. Le 31, ouais, le réveillon, ouais. Attends, je mélange tout. Je suis tellement mauvais que je mélange tout. Entre Noël et le premier de l'an, j'ai fait un truc avec toi et Audrey. Et j'ai appris à Audrey, enfin, appris, à connaître déjà bien les bases, des échecs. Oui. On a fait des parties. Et. Est-ce que t'as battu ou pas? Bah non. Non. Bah, on peut pas battre. Je suis désolé, fait. Audrey. Je te fais des bisous. Il était champion départemental quand même. Ouais. Sans déconner. J'avais un petit niveau. J'ai une petite médaille qui traîne chez moi. Je sais pas où, mais. Je te tire mon chapeau. Ouais, c'est pas ouf non plus. Hein. C'est des échecs quoi. C'est pas. Je suis pas si bon ouais, ça non plus. Mais bon. Ah, c'est bien, c'est bien. Et non, je me suis rendu compte que chez moi, j'avais des jeux d'échecs, mais sans les plateaux à chaque fois. Ce qui est complètement con. Je crois que Martin voulait dire quelque chose. Oui, Martin, tu voulais dire ? Ouais, non, je voulais juste dire que moi aussi, je m'y suis mis il y a pas longtemps. Et à cause de la série ? Ouais. Ouais, je m'en doutais. Le jeu de la dame. Enfin, je vais faire une petite aparté là-dessus parce que je l'ai su dans des discussions à table avec mes parents. Le jeu de la dame, depuis qu'il est sorti, le nombre de jeux d'échecs a explosé en vente. Ouais. Et pendant les fêtes de fin d'année, avant Noël, quoi, ils étaient en rupture de stock déjà. Ouais, bah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. La série, elle a tellement marqué les gens que les gens, ils se sont dit, tiens, c'est. Ah, ça les intéressait, quoi. C'est clair. Ouais. La cote des échecs est montée en flèche. C'est plutôt un mal pour un bien. Oui. Mais bon, moi, je connaissais déjà d'avant. J'étais un pionnier. Teddy était un pionnier. Je pèse ton gueule. Mais bon, ouais. Mais bon, il y a aussi Daniel dans ce cas-là, parce qu'il en a parlé tout à l'heure. Je pense pas qu'il ait vu le jeu de la dame. Non, mais je joue un peu aux échecs, bon, quand j'ai le temps. mais ça m'arrive, j'aime beaucoup ça. Il y avait des pionniers avant le jeu de la dame. Il y avait un avant et après jeu de la dame. Bon, par contre, j'ai pas eu de pull. Je peux pas mettre de pull en jouant aux échecs, moi. Ouais, moi non plus. C'est bizarre, je peux pas non plus. Bon. Du coup, je lui ai parlé de ça à ma mère. Je lui ai parlé que j'ai été chez quelqu'un et que je lui ai appris à jouer aux échecs, mais moi j'avais même pas de jeu d'échecs. J'avais pas de plateau ni rien. Et du coup, elle a fait tilt. Elle s'est dit, oh mais tiens, et si je te trouvais ça ? Je lui ai dit, ah bah oui, effectivement, si je t'en parle, je te souffle l'idée quand même. Alors... Ah, la dépiction de ouf. Ah, j'étais un peu salaud quand même. Ça fait plaisir pour Noël. Bah, tu vois, j'ai un jeu d'échecs, mais j'ai pas de plateau, etc. Oh, j'ai une super idée. Je pourrais t'offrir un jeu d'échecs. Ah ouais. J'avoue que je suis un peu salé, peut-être un peu méchant, on va dire, mais j'aime pas trop les gens quand ils disent qu'ils savent pas quoi offrir aux gens. Surtout quand tu les connais depuis peut-être 25 ans, c'est un peu chaud quand même. Attends, parce que moi, si je prends mon père par exemple, ouais. Mon père, je le connais aussi depuis fort longtemps, même depuis ma naissance, c'est pareil, et il s'avère que mon père est une personne qui déjà a à peu près tout ce qu'il veut, et surtout quand il a envie de se faire plaisir, il n'attend pas Noël. Donc, ce qui fait que quand tu arrives à Noël, c'est toujours compliqué. En plus, c'est pas quelqu'un de passionné, etc. Il a pas de passion plus que ça. Donc en fait, arrivé au jour de Noël, tu te demandes toujours ce que tu vas pouvoir lui offrir et si ça va lui faire plaisir. Hein. Oui, mais dans ce sens-là, oui. Mais dans l'autre sens, ça devrait moins bien marcher quand même. Enfin, je suis désolé. Par rapport à tes enfants. Bah ouais, clairement. Ouais. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Normalement. Parce que c'est vrai que moi aussi, quand je dois faire des cadeaux à mon père pour son anniversaire, par exemple, je galère un peu. Mais oui, ça va. Obligatoirement, dans ce cours parent-enfant, pas obligatoirement, parce que y a des choses entre les enfants qui se passent et la conversation ne se fait pas obligatoirement avec les parents. Il n'y a pas obligatoirement de connexion. Donc, ouais, moi, chez moi, à la maison, c'est un petit peu différent parce que je suis ouvert à tout énormément, donc... la connexion se fait, mais pas toujours à 100% quand même. Mmh. Alors, dans les familles où il y a plus ou moins de connexion, alors je ne sais pas comment c'est chez vous, je ne préjuge pas, mais dans les familles où il y a plus ou moins de connexion, il y en a où on est à 10-20%, et quand on arrive déjà à 70-80% que les parents donc, sont au courant de ce qui se passe par rapport aux enfants, c'est déjà pas mal. C'est pas faux. Et des fois, tu peux te retrouver à côté de la plaque à Noël alors que tu voulais faire plaisir, mais sauf que. Ouais, mais bon. Le pull, elle a aucune excuse, hein, clairement. Non. J'avais le droit d'être un peu salé. J'avais le droit d'être un peu salé. Je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça pour savoir si on connaissait bien notre famille ou quoi que ce soit par rapport aux cadeaux. Il suffit de les observer en vrai. Toujours. Hein ? Tu les observes, tu verras dans le. Oui, tu les observes. Même si ça fait des années qu'on se connaît et qu'on se côtoie, j'ai toujours du mal à retrouver les trucs, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qui leur ferait plaisir ? Je me prends à la dernière minute pour vraiment me bouger les fesses et trouver ce qu'ils veulent. Parce que je me mets trop de pression. Il y a des gens, ils s'y prennent. Qu'est-ce qu'ils voudront pour Noël et tout, machin. Il y a des gens, ils s'y prennent à la dernière minute, c'est parce que. Parce qu'ils ont la flemme de faire avant. Clairement. faut pas chercher plus loin des fois. Ça, c'est un détail. Mais... Ah ouais. Non, en vrai, pas forcément ça, mais c'est vrai que des fois, tu dis ouais, ça va passer, on a encore le temps, je suis pas encore dans le mood Noël. Et après, trois jours avant Noël, bah voilà, t'es dans la merde. Non, mais c'est vrai que des fois, quand tu te dans le mood Noël, tu dis ouais, faut faire les cadeaux, et sauf que bah, en plus, période de Noël, quand tu fais tes cadeaux, etc., des fois, il y a des petits retards de livraison, des choses comme ça, parce qu'il y a énormément de cadeaux qui sont commandés. Donc des fois, c'est chaud, quoi, tu reçois ton cadeau le 24, tu vas mal le voir même erreur de livraison, et je pourrais pousser un gueule contre ça tout à l'heure, mais voilà. Ouais, bah d'ailleurs, bon, bon, j'ai juste là à dire, petit aparté, j'avais commandé sur internet pour moi, le cadeau de mon petit frère, c'était un t-shirt que je lui avais offert d'ailleurs. Ouais. Je l'ai acheté quoi la veille de Noël, non, de Noël. Deux jours avant la veille de Noël. Ah bah oui, mais oui, mais deux jours avant la veille. Attends, non. Ça fait 4 jours avant. Ouais. Non, je sais pas. Comment vous expliquer, genre. Bah peu de temps avant Noël. Quelques jours avant. Il est arrivé justement la veille de Noël le colis. Ah, ça c'est cool, t'as eu de la chance. Vraiment le timing parfait, quoi. Sinon, j'aurais été un peu emmerdé, quoi. Ouais, bah non, mais parce que moi, avec ma sœur, si tu veux, j'ai commandé son cadeau de Noël tout début décembre, il est pas encore arrivé, hein. Donc, voilà. Ah ouais, ils ont alors, on va tous prendre une résolution, faire les cadeaux de Noël plus tôt. Ouais, voilà. Vous nous y prenez en septembre. Ouais. Et moi, tu me disais qu'ils moquaient des gens, genre on était même pas début décembre, qu'ils achetaient déjà les sapins de Noël et tout. Mais ils sont sérieux, attends. Ah oui, bah, en même temps, oui, début décembre, ouais, tu as acheté ton sapin de Noël. Ouais. Quoi qu'il arrive, j'aurai peut-être un jeu d'échecs pour pouvoir jouer aux échecs et pour pouvoir apprendre correctement à Audrey aux échecs. La classe. Enfin, son jeu d'échecs. Mais elle s'en fout parce qu'elle, elle connaissait pas les échecs, mais elle avait déjà son jeu d'échecs. C'est ça, mais ouais. le mec frustré, alors moi je connais les échecs, je suis champion régional, mais par contre j'ai pas de jeu. Non, mais ils sont complémentaires finalement. C'est triste. Oui, bah. Bah. Et moi, je vais finir. Je sais pas y faire et puis l'inverse. Je vais finir sur une petite anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui. C'est le meilleur cadeau Noël que mon fils a pu m'offrir. Ah oui. Mon fils, il a 3 ans. Bientôt 3 ans. Du coup, il peut pas m'offrir grand chose. Mais là, je dois avouer qu'aujourd'hui, ce qu'il m'a fait, c'est un merveilleux cadeau. J'ai décidé de faire une balade avec mon fils et ma copine dehors aujourd'hui, malgré le froid. Ouais. Et évidemment, j'étais en maillot. J'avais une petite veste, mais ouverte parce qu'il faisait chaud quand même. Alors que t'aurais pu. Le froid, j'étais en t-shirt, malgré le froid. Oui, parce que je vois les gens venir. Enfin, pas importe. Donc, du coup, on s'est baladé pour chasser le Pokémon. Je joue à Pokémon Go. Voilà. Attends, tu t'es baladé pour chasser le Pokémon, genre vous chassez le Pokémon en famille ou Ouais. Mais Eva aussi joue, je t'assure. Ouais, c'est ancré dans la famille, Pokémon Go. Donc, on se balade et à un moment, on croise une voiture de flic qui s'arrête et qui va enfin, ils allaient pour aller dans un immeuble. Mais avant ça, ils fouillent dans leur coffre, enfin voilà, ils attendent. Et nous, on passe devant avec la poussette et moi, je tenais mon fils dans la main. Et là, mon fils, il s'est à peu près parlé. Tu tenais ton fils dans la main ? Il est vraiment petit, mon fils ? Oui, alors je tenais la main surtout. Ne joue pas sur les mots. J'imagine le fils qui tient dans la creux de la main. Je lui tenais la main. Je lui tenais la main et on passe devant les flics. Et il dit Poliette, parce que c'est comme ça qu'il dit police. Je sais pas pourquoi, mais Poliette. Ah, Poliette. Oui. Je dis ouais, c'est la police. Il me dit cours, parce que Poliette tapait. T'as quelque chose à te reprocher, Teddy ? Non, mais oui, mais c'est mon fils qui me dit ça et je comprends pas sur le truc. Je lui dis quoi ? Il répète Poliette tapait. Tapez-nous. Quoi ? Quoi ? La police. Ah mais c'est normal Teddy, il a trop été en manif ton fils. Mais totalement, mon fils est à l'âme d'un gilet jaune. Un gilet jaune. Mais oui. Il était gilet jaune. Je lui ai jamais offert de gilet jaune. Mais pourtant, il sait que la police frappe les gens. L'image qu'il a de la police à 3 ans. Mais putain, c'est magnifique. Mais comment il a vu ça? Mais je sais même pas. Malheureusement, des rapages de violence. Je regarde pas spécialement d'actualité sur les flics. Je regarde pas de documentaires ou de séries sur les flics. Je ne pense pas qu'il ait accès à quoi que ce soit sur les flics, en fait. Il ne devait même pas savoir que ça existe, la police. Je vais t'expliquer. C'est comme dans les pubs sur le CSA, il doit avoir les codes de la télé et tout, et il regarde le soir sur sa tablette dans son lit. Ah, ça doit être ça. Ça va être sur moi. Non, mais bon. Il passe et moi, je lui dis, bah, mais non, la police, non, ils font pas ça. Et je passe parce que je fais petite mine parce que les flics ont forcément entendu. Donc, bon. moi, je passe, quoi. J'avance un petit peu. Et après, quand même, j'étais fier de lui. Non. Oh, si. C'était trop bon. C'était un pur moment de plaisir. Pouvoir balancer ça au flic. Attends, il va nous dire, c'est moi qui l'ai éduqué. Hein. Ah, mais tellement. Moi, j'ai trop hâte qu'ils disent, je sais pas, bah, peut-être pas merde à la maîtresse, mais un truc intelligent, plus non. intelligent que ça. Non, non. Ah, oui, si. Un truc intelligent. Ouais, un mais genre qui casse quand même. Qui casse. Un gros coucou à tous nos amis policiers qui nous écoutent. Hein. Ouais. Je suis désolé, on a, mais. On a rien contre vous. Ouais, mais mon fils, apparemment, si. Il y a que bébé qui a. Ouais. Quand il aura 16 ans et qu'il fera des conneries, vous pourrez le mettre en garde à vue pour vous venger. Ouais. Oh putain. Là, il pourra se méfier après. Il a refait ma journée. Il a refait ma journée. Pour le coup. J'ai kiffé. Mais c'est la preuve, il a déjà des choses à se reprocher. Hein. Mon fils ou moi? Bah, les pêches. Il s'est peut-être fait déjà commencer par les flics. Hein. C'est ça. Ouais. Ouais. Bah, c'était assez marrant et je termine là-dessus parce que quand même c'était vachement drôle. D'accord, petite anecdote donc du jour. Ouais. Post-Noël quoi. Ouais, clairement. Ok, on écoute un bootleg Américo Gazao sur Indestar avec Inner City Traveling Man et on terminera par le fait que j'ai décidé de faire un régime pour cette année 2021. Je vous en parle juste après et puis je vous raconte aussi comment se sont passées mes fêtes. C'est l'émission à la maison sur Indestar. Dernière ligne droite pour cette première soirée de reprise des émissions à la maison sur Indestar en ce lundi soir où on parle fête de fin d'année, on parle bonne résolution et bah, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai fait à la fin de cette année, comment se sont passées mes fêtes puisqu'on a on l'a fait pour tout le monde. Ouais, alors je ne vais pas déranger à la règle. T'as eu quoi si Noël en pas, je suis bien sûr. Alors hein? Qu'as-tu fait pour Noël? Non, qu'as-tu fait pour Noël? Posez la question. qu'est-ce que j'ai fait pour Noël? Bon, bah, j'ai passé les fêtes en famille, en petit comité, hein, bien entendu. Ouais, non, c'était plutôt sympathique, en vrai. Et t'as eu quoi comme cadeau, surtout? C'est ça qui bien nous intéresse. Bien mangé. Ah oui, bien hein? mangé, ouais. Ce qui nous intéresse, c'est oui. tes cadeaux, surtout. Est-ce que t'as eu des mauvais cadeaux? les cadeaux, ouais, bah, j'ai eu plein de trucs. Hein. J'étais gâté encore ce Noël, mais j'ai eu un radio-réveil des années 70, un véritable radio-réveil des années 70, avec affichage digital et capteur de luminosité, tout ça, tout ça. Voilà, donc qui est fort beau, ma foi. J'ai eu aussi un baril. Alors, vous imaginez les bidons dans lesquels on peut mettre du pétrole ou les bidons pas, avec un gasoil en métal. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Et là, repeint, et donc en noir, et agrémenté d'un gros dessin de 4L qui fait déco et que j'ai mis dans mon entrée. Parce qu'au cas où, si vous n'avez pas compris depuis le début de l'émission, quand il parle de 4L, c'est parce qu'il en a une et qu'il est fan. Exactement, hein, parce que j'ai une 4L, précise, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a offert aussi une plaque rétro avec une mise en scène avec une 4L dessus. Voilà, parce que j'ai une 4L. J'ai eu d'autres objets de déco, hein, en vrai. J'ai eu un livre aussi pour voyager. J'ai eu de la mémoire pour mon ordinateur. J'ai eu un micro-cravate pour la caméra. Un plaid pour mon lit, une lampe pour ma salle à manger, des chocolats avant mon régime. Et aussi, je me suis offert une voiture hyper rare en France que j'étais chercher par camion avec toi, Teddy. Ouais. C'était quelques jours avant Noël, c'était le 21 exactement. On s'est tapé 14 heures de route sous la pluie avec un ouais. camion d'une location, donc un camion avec un voyant moteur allumé tout le long et qui t'empêche de dépasser les 90 km/h. Camion que j'avais trouvé chez France Car que il je vous conseille fortement. voilà. Si vous voulez aller chez France Car, non, sauf si vous aimez les problèmes moteurs qu'ils connaissent à l'avance, hein, c'est-à-dire qu'ils vous appellent en disant le camion a un problème moteur, mais on va vous donner quand même au même prix, et qu'on vous prenne pour un con en vous disant à la fin non mais vous avez une location gratuite, et puis finalement quand vous les rappelez 15 jours plus tard, ils vous disent « Ah non, on n'a pas dit une location gratuite, hein, on a dit une petite ristourne, hein, voilà. » Bon, après, c'est vous qui faites le choix, mais France Car, hein, vous retenez bien son nom. Voilà. Par contre, je précise, j'ai une petite précision. Je vais être un peu grossier, mais c'est un peu des enfoirés quand même, quoi, clairement. On peut le dire, on peut faire de la bonne pub. Hein, c'est pour ça. Petite en tous précision. Les cas, l'agence de Tours, hein, parce qu'après, je pense qu'il y en a plusieurs en national, donc il y a peut-être des agences qui sont beaucoup plus sérieuses. C'est pas cas, faux. Si vous allez à Tours, franchement, c'est pas un cadeau. Quoi. J'aimerais faire une petite précision sur les 14 heures de route. T'as dit oui. 14 heures de route sous la pluie. Alors, faut savoir, il y avait à peu près 7 heures de route aller, 7 heures de route retour. Il y avait peut-être... Oui, bah ça, oui, voilà. Mais je veux dire, le temps de chargement, tu vois, il y avait peut-être une demi-heure, on va dire. Pendant une demi-heure, ouais. Il n'a pas plu. Par contre, il a vraiment plu tout le temps. Pendant les 14 heures. Ce n'est pas genre... Il n'y avait pas d'éclaircie. Ouais, alors... Tout le temps. Ouais, non, mais c'est vrai. Il n'y a pas eu de coupure à tel point qu'à un moment donné, sur le voyage du retour, je dis à Teddy, ah, on a un petit problème. Le balai d'essuie-glace était coincé. Oh non, et dis-moi pas qu'il pleuvait. Bah, évidemment qu'il pleuvait. Mais même avec le camion, t'arrives à avoir des problèmes. Ah, mais j'arrive à avoir des problèmes. Mais si tu veux, quand tu commences à déjà, tu sais qu'il y a un voyant moteur qui s'allume et que la puissance est limitée, que c'est marqué révision nécessaire, déjà, tu seras pas serein, tu vois, sur ton voyage de 14 heures. Tu dis que 14 heures de route à faire, tu te dis, oula, est-ce que ça va passer ou pas? C'est ça. Et donc, quand ton essuie-glace s'arrête au beau milieu de l'autoroute, alors qu'il pleut et que t'as encore au moins 4 heures de route, tu vois, tu te dis, ça va être compliqué. J'ai attendu 30 secondes et je l'ai remis en marche et à vitesse plus lente et il s'est remis en fonctionnement. Donc j'imagine que le moteur de l'essuie-glace a surchauffé. Mais c'était chaud quand même. Voilà. Ça c'était les meilleures anecdotes. C'était mon Noël et puis le réveillon on l'a passé ensemble, Teddy, donc tu sais comment ça s'est passé, c'est-à-dire bien. C'était bien. Sympa. Alors c'était nul à chier, franchement. Ah ouais, attends, quel réveillon aussi pourri, j'en ai jamais passé. On a joué un super jeu. Est-ce que tu puisqu'on va revenir à ton sujet, j'imagine, est-ce que tu as profité de ce moment-là pour commencer ton régime ou pas du tout? Alors pas du tout, parce que c'est une mauvaise chose de vouloir commencer son régime. Pendant les fêtes. En période de fêtes, parce on est complètement d'accord. soit t'es frustré, soit tu frustres les gens chez lesquels t'es invité. Si tu dis ah bah non à tout parce que je suis au régime, ça fait le gros relou. Et puis et toi t'es non, moi je veux manger mon foie gras à Noël. Oh et quand même. Il fait un régime, mais on va parler de cette bonne résolution qui s'est fait en fait justement. Je parle de bonne résolution parce que ça tombe là. Je prends pas forcément de bonne résolution tous les ans et c'est parce que là ça tombe au début de l'année parce que justement les fêtes sont passées donc c'était le bon moment pour commencer un régime. Alors si je peux me permettre, hein, je vais expliquer aux auditeurs ce qu'est un régime pour Théo. Oui. C'est-à-dire que son sujet va faire 30 secondes au lieu de 30 minutes. Que mon quoi ? Ton sujet va faire 30 secondes au lieu de 30 minutes. Ah oui, alors aussi, parce qu'il est déjà plus de minuit pour une émission qui doit s'arrêter à 23h, effectivement. Mais, alors, normalement, déjà, je vous parle de régime, mais la règle numéro 1 quand on fait un régime, normalement, c'est de pas le dire qu'on fait un régime. Donc déjà, j'ai brisé la règle numéro 1. Voilà. Bon, allez. Mais en ce cas... Tu n'as pas lu les conditions générales qu'il fallait signer en dessous du... Non, j'ai pas lu. Mais en tout cas, ça m'est venu, si tu veux. Bon, ça fait quelques mois que voilà, tu te dis ouais, tu te sens un peu moins bien dans ton corps, etc. Mais c'est surtout que je suis allé à quelques jours avant Noël chez Mégane de la radio, hein, pas de chez Renault. J'ai testé. La 4L, plus léger chez Renault. Et j'ai testé. Laura en parlait tout à l'heure, sa balance connectée. Et c'est là que je me dis qu'il fallait faire quelque chose. Faut pas tester les balances. Justement, la frustration peut venir de là. Moi je suis terrorisé par les balances. Je veux plus monter dessus. Mais attends, t'as une différence entre savoir ton poids et savoir ce qu'il y a dans ton poids. Et c'est ça qui a fait peur à Théo. C'est-à-dire qu'au-delà de mon poids, alors déjà mon poids m'a fait peur, mais en plus, ce qu'il y avait, si tu veux, ma masse graisseuse. C'était trop important. Elle a comparé ma masse graisseuse à celle de son petit copain. Ah. Et si tu veux, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, vraiment. Donc, une fois les fêtes passées, je me suis mis au régime. Alors, j'ai pas de balance, moi, à l'appart, mais en fait, je me suis fixé comme objectif. En plus, tu le disais, Jolan, tout à l'heure, la balance, c'est pas forcément la référence parce que ça va t'indiquer que ton poids et voilà, c'est pas forcément ce qu'on a envie de chercher. Bon, après, ça peut t'aider, hein. Si t'as comme je disais tout à l'heure, des objectifs à te fixer, ça peut aussi t'aider. Ouais, mais moi, en fait, mon objectif, tu vois, je me fais pour peser. De quoi, Daniel? je disais, l'objectif, c'est d'aller chez Laura toutes les semaines pour peser. Alors, je pourrais aller chez Megan toutes les semaines, ouais, mais non, c'est pas l'idée. Mais non, je me suis dit déjà, si j'arrive à être à l'aise dans mes pantalons, je me sens trop serré. Ouais. Ça me semble être un bon objectif. Voilà, parce que y a pas forcément de valeur de poids en soi, mais d'être à l'aise dans ses vêtements et être à l'aise dans mon corps, évidemment, tu vois, ça me semble être plutôt un bon objectif. Du coup, j'imagine que forcément, si tu évoques ce sujet-là, c'est que tu ne te sens pas forcément en ce moment très à l'aise avec ton corps, du coup. C'est ça, et dans mes pantalons non plus. Ouais, surtout dans les pantalons. D'essayer de renouveler toute ma garde-robe, tu vois, je me dis, je vais perdre. En vrai, j'ai pas énormément de kilos à perdre, hein, c'est pas. Ouais, non, mais oui. Mais si j'arrivais à perdre. Pas les pantalons qu'on rétrécit au lavage par hasard, non? Oh, c'est peut-être ce que, en fait, c'est ce que je me suis dit au départ. C'est l'excuse qu'on se dit tous au départ. Je me suis dit, elle a pas beaucoup au lavage, hein, ses pantalons. Donc, ouais, je me suis dit que ça pouvait venir d'autre chose. Alors, pour ça, j'ai adapté deux techniques, qui sont loin d'être révolutionnaires, hein, pour le coup. C'est manger moins et manger mieux. Donc, moins en quantité, parce que, de base, j'ai un petit estomac, je mange pas énormément à chaque repas. Mais tu connais ça, toi, tu grignotes plus. Je grignote peu. Mais là, tu vois, par exemple, si on prend les fêtes, et même peut-être avant, j'imagine, souvent, soit par politesse, soit par gourmandise, parce que je suis plutôt gourmand, je vais à force, en fait, avoir mon estomac qui s'étire, parce que je vais peut-être aller un petit peu au-delà de ma faim. Et après, quand mon estomac s'étire, je mange plus pour combler ses attentes, ce qui te fait grossir la chaîne sans fin. Donc, l'objectif, c'est là de lui faire reprendre une taille raisonnable, la taille qu'il avait avant. Et pour ça, ça passe par en fait une restriction, pas de beaucoup, mais disons que quand je veux prendre une tranche de jambon, je me dis non, j'en prends la moitié ou les trois quarts, tu vois. Pareil pour le pain, plutôt que de prendre trois tranches de pain, je vais en prendre que une à chaque repas. Voilà, dans un petit bout de fromage, au lieu de se dire tiens, c'est un fromage illimité. Voilà, je veux pas avoir la dalle en sortant de table, parce que ça, c'est pas bon, et ça incite à grignoter justement après les repas. Je te rejoins là-dessus. Quand tu manges pas assez à midi, par exemple, ou même aux heures régulières de repas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Tu ressens une énorme frustration derrière et t'as envie d'encore plus manger. Et finalement, ça fait plus de mal que de bien. Donc, il faut pas arriver à ça, mais il faut arriver à sortir de table en ayant juste ce qu'il faut. En étant rassasié, quoi, carrément. Voilà, rassasié ou presque rassasié, tu vois, il faut toujours garder une petite marge. Et c'est ça qui fait que tu tiens jusqu'au prochain repas et sans grosse frustration, quoi. Voilà. Et puis manger mieux, ça passe par, pour mon cas, hein, mais par moins de fromage, moins de pain, c'est ce que je disais. Ouais. Moins de chocolat, beaucoup, parce que je suis un grand aficionado de chocolat, donc voilà, je réduis drastiquement le chocolat. Et puis tout ce qui est gâteau, et notamment les gâteaux industriels, surtout parce que c'est bourré de sucre. Et c'est pas très bon pour la santé en vrai, mais c'est pareil, j'aime beaucoup ça, donc j'ai réduit là-dessus. Qui n'aime pas ça, j'ai envie de te dire après. Non, certains, mais certains n'aiment pas trop le salé, et tant mieux pour eux. Le sucré, pardon, et tant mieux pour eux. Mais des fois, c'est des gens justement qui aiment beaucoup le salé. Et moi, j'ai pas le problème du sel parce que de base, je sale très peu mes aliments. Mais si vous avez ce problème, l'astuce, à mon avis, enfin pour moi, c'est de le remplacer par des épices. Donc par exemple, si on prend des pâtes, plutôt que de mettre une tonne de sel pour relever le goût, je mets assez facilement moi de l'ail, des herbes, des choses qui relèvent le goût. J'avais une petite question, Théo, Daniel. Est-ce que tu cuisines beaucoup au beurre ou pas? Alors moi, je suis pas team beurre, je suis pas team du Nord, moi je suis team du Sud. Cuisine tout court de base. D'accord, bon c'est déjà une bonne chose, parce que bon, moi je t'avoue que c'est un peu mon défaut, parce que je suis breton et du coup le beurre sans. Ouais, mais ça, non, ça je suis pas d'accord. Je peux pas te laisser dire ça. C'est même la cuisine française en général. Oui, la cuisine française, c'est souvent de l'huile et du beurre, mais c'est normal. Mon métier à cuisiner avec beaucoup de beurre. Ouais, mais c'est normal. Après, ça dépend de ce que tu mets dans ton plat. Parce que si tu mets un steak, par exemple, tu peux mettre une noisette de beurre, ça va pas non plus te tuer. Non. Ça va pas faire de trop. Enfin, moi j'aime bien saucer mes plats. Enfin, pas non plus manger que du beurre, pas exagérer non plus. Mais ouais, quand c'est la plaque est bien remplie de beurre, ça me c'est satisfaisant, je trouve. Ouais, après, mais moi, c'est sûr que l'huile d'olive, c'est moins gras. Je suis très peu beurre, je suis plus huile d'olive, mais là, tu vois, par exemple, pour le coup, si je me fais un steak, je vais essayer de le faire quasiment à l'eau, où je vais vraiment mettre une goutte d'huile d'olive pour. Ouais, non, tu mets pas d'eau, toi. Non, mais à l'eau, pour pas que ça accroche, au fond de la poêle, tu vois. Je vais mettre vraiment, je vais mettre une goutte d'huile d'olive pour pas que ça accroche, quoi. Je vais pas mettre en huile que d'habitude. Voilà. Et puis, moins de sucre en dessert, où je vais remplacer les fameux gâteaux industriels, soit par un morceau de brioche, un fruit, soit par un gâteau maison, tu vois, qui sera moins fourni en sucre. Et puis, je vais accompagner d'un carré de chocolat, voilà, pour me faire plaisir, mais pas plus un gros carré de chocolat. En fait, ce qui est difficile, c'est pour ça que j'en ai jamais vraiment fait, c'est que ce qui est difficile dans le régime, c'est que t'as l'impression de pousser un peu dans l'extrême au début et de t'interdire de tout, et c'est trop frustrant, en fait. C'est frustrant, mais c'est pour ça que j'ai jamais commencé à faire de régime. J'essaye d'adapter à ça, tu vois, en me disant je vais pas m'arrêter, par exemple, de manger totalement du chocolat. Mais plutôt essayer de me restreindre en chocolat, parce que des fois je le mange uniquement par gourmandise, c'est-à-dire je vais tenter de me rassasier, et finalement quand je vais manger mon chocolat, ça sera le petit plaisir, mais tu vois, ça devrait être considéré comme un petit plaisir, et non pas du genre je prends ma tablette et je vais manger la moitié de la tablette, ce que je peux faire très facilement. Ça va, t'es gentil encore, hein, Et je peux faire plus, mais je parlais des grosses tablettes avec des gros carrés aussi. Faire le plaisir, par exemple, du chocolat, le petit carré de chocolat à 4 heures, par exemple, tu vois. Oui. Ah oui, non, mais je peux le faire, tu vois, un carré de chocolat à 4 heures, très bien. Un carré, c'est chaud. Non, quatre, pas un carré. Quatre, une barre. C'est exagéré ce que j'ai dit, mais c'est... Une barre de chocolat, 4. Si tu veux faire des plaisirs dans la journée et ne pas forcément grignoter dans la journée, justement, ce qui est difficile quand on a des habitudes comme ça. Alors le conseil, c'est effectivement de faire 4 repas par jour quand t'es en régime, ce que je fais pas forcément, hein, pour le coup, mais de faire petit déjeuner, goûter et dîner. Ce qui fait que tu ne manges pas trop à chaque repas. Mais par contre, tu manges bien quand même. Tu manges bien et tu te fais surtout des parce que ça c'est important, c'est de faire une régularité au niveau des heures des repas. Tu vas pas manger une fois à midi, une fois à 2 heures, etc. Ce que j'ai tendance à faire tout au long de l'année et peut-être ce qui a fait que j'ai pris un peu de poids aussi. Tu règles aussi ton horloge biologique. C'est ça. C'est-à-dire que ton corps, en fait, quand tu vas manger une fois à 14 heures, le lendemain, quand tu vas manger à midi, il va se dire qu'il faut que tu manges un peu plus parce que tu sais pas. Enfin, tu vois, il se dit tiens, c'est midi, c'est chouette, on mange tout de suite, donc faut rassasier complètement le corps et même au-delà pour prendre des forces si demain on n'a pas un repas à midi. Parce que sinon il attend ton repas jusqu'à 14 heures, quoi. Donc c'est un peu ça que le cerveau se dit. Donc c'est-à-dire on attend de manger. Les habitudes qu'il faut essayer de changer, qui sont très dures à changer des fois. C'est pas évident. Et puis bon, quand tu travailles à côté aussi, c'est des fois pas évident de manger à des heures fixes de repas. Ouais. Donc voilà. J'en reviens à autre chose aussi. Il y a cette fameuse routine des 3-4 repas par jour. C'est une moyenne et c'est général. On va dire c'est une généralité pour une personne type, ça s'adapte pas à tout le monde. Par exemple, normalement, tu vois, tu devrais avoir le midi et le petit-déj, ça doit être tes deux repas les plus conséquents. Y en a le matin, ils font rien du tout, en fait, avant midi. Donc, ils n'ont pas besoin de prendre un gros petit-déj. Il y en a, ils prennent même pas de petit-déj. Non, mais bien sûr, ça faut pas changer totalement ses habitudes. Si vous avez l'habitude de rien manger au petit-déj, c'est pas exactement ça que je veux dire. Commencez pas à petit-déjeuner. Faut adapter son mode de... Tu as un mode de vie, et il faut que tu adaptes. Voilà, exactement. C'est pas adapté à tout le monde, les 4 repas par jour. Non. Mais disons que c'est un bon tip, si tu veux, pour... C'est une généralité. C'est une généralité. En général, c'est une moyenne, on va dire. C'est le plus courant. Ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne manière de réguler ses repas pour pas faire des gros repas. Dans la journée, tu vois, de reprendre 3 fois la nourriture le midi, etc. Le fait d'échelonner ses repas, donc d'avoir petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, ça permet d'avoir des laps de temps en fait entre les repas qui soient des laps de temps raisonnables et donc se permettre de faire des repas plus légers sur l'ensemble de ces repas. Oui, oui, mais si tu cherches par là, t'as aussi le mieux pour ça, ce serait les repas tous les 3 heures. Ça, c'est oui. encore pire. Oui, ça revient quand même, en fait. Oui, mais tu manges encore moins. Et pareil, par contre, pour quasiment chaque repas. Peut-être un peu plus léger le soir, mais c'est tout. C'est pas... Ouais. Mais ça, ouais, c'est plus une routine de sportif. Ouais, donc, ouais. C'est... Bon, après, c'est vite lassant aussi. Hein. C'est lassant, oui. Et puis c'est plus pour ceux qui veulent prendre du muscle, généralement. C'est une routine assez dure. Les sportifs mangent énormément, par contre. C'est ça. Bah, énormément, oui, mais je veux dire, ils échelonnent sur... En fait, ils font pas 3 repas ou 4 repas comme nous. Eux, ils font vraiment tous les 3 heures, généralement, pour les plus grands, on va dire. C'est un peu différent. Ça pourrait s'adapter à nous si on a un peu une routine sportive, ce qui n'est pas trop le cas de Théo. Hein. Voilà. Non, mais c'est surtout pas ce que je cherchais, effectivement. Je vous rassure, j'en suis pas du tout à ce niveau-là. Non, mais peut-être qu'un jour tu le feras, on va savoir. Mais enfin voilà, et puis il y a un dernier, une dernière petite astuce que je voulais mettre en avant, c'est le fait de manger lentement pour que le corps ait le temps de savoir qu'on est en train de manger, communiquer au cerveau et ils nous disent stop en fait quand il est rassasié, il ait le temps d'assimiler l'information et il nous dit stop. Et avec des pauses boissons, parce que en vrai, alors quand je dis boisson, c'est de l'eau. Hein. Mais l'eau, ça permet de nous couper l'appétit et ça s'évacue bien mieux que les graisses. Donc voilà, ça permet de se sentir rassasié tout en ne prenant pas de gras au passage. Voilà. Après, il y a sûrement d'autres astuces, hein, parce que je suis loin d'être un pro du régime. D'ailleurs, c'est une première expérience. Donc, tu fais ton régime qui correspond. Tu fais le régime qui te correspond. Ouais, bah enfin, j'essaye. En ça tout marche, cas, ça marche pas. Après, je me donne à peu près un mois pour voir ce que ça donne et puis repartir, parce que ça, c'est aussi l'erreur qu'on pourrait faire. C'est faut après repartir en faisant plus attention, parce que sinon, ça fait le fameux effet yo-yo où tu vas reprendre en un mois plus de kilos que tu viens d'en perdre, donc ça sert à rien. Donc là, j'essaye de pas trop me frustrer, mais de faire très attention quand même, et puis pour après reprendre avec un petit peu moins de frustration, mais en étant plus raisonnable peut-être qu'avant le régime, quoi. Donc voilà, c'est un travail aussi sur la longueur, mais j'irai au bout d'un mois me reposer sur la balance démoniaque de Mégane, et en cas de victoire, je manquerai pas de de vous le communiquer, sinon ça restera un secret. Hein, mais, le peuple demandera une photo. On n'arrive pas ça. Non, parce que j'ai pas pris les valeurs avant, tu vois, il faudrait comme disait Laura faire un avant après, mais on, voilà. On lui fêtera ça en lui offrant une balance connectée. Non. Et vous vous rendez compte, je fais un régime, je vais m'y tenir, mais finalement j'ai pas pris les valeurs avant, donc je sais pas, hein. Ouais, mais si, il le verra grâce à son pantalon. Sa mesure, c'est le pantalon qui est serré. Je pourrais pas faire de base de comparaison, ni avec des photos, ni voilà. C'est parce que c'était pas le but. Parce que, en vrai, quand j'y suis allé, j'étais même pas dans l'optique de faire un régime, hein. C'est venu comme ça, et après, je me suis dit. Bon délire, merde. Mauvais délire. Non, mais ton unité de mesure, ça sera le pantalon dans lequel t'es serré. Voilà. Oui, mais exactement. C'est pas un chiffre, c'est juste un. Dans ces pantalons-là, je me dirais, bah ouais, ok, j'ai maigri. En fait, c'est juste le pantalon qui s'est détendu à force. En fait, c'est vrai, je trouve que c'est un bon objectif. Bah ouais. C'est peut-être plus important que le chiffre. Chacun doit avoir son objectif. Hein. Pour certains, c'est effectivement, on peut avoir des tas de raisons de vouloir faire un régime. Et le premier, ça doit être sa santé personnelle, tu vois, de se dire, bah ouais, j'ai envie d'être bien dans mon corps. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est peut-être le plus important. Ouais, c'est pas faux. Est-ce qu'on finirait pas sur cette jolie phrase? Ben, je pense qu'on pourrait terminer sur cette jolie phrase, effectivement. Mais avec encore une plus jolie musique que ma phrase, qui est celle d'Alafri. Je m'en doutais. Évidemment. Et en vous souhaitant une agréable semaine à la découverte de toutes les musiques d'Indestar. Et puis nous, on se retrouve vendredi à partir de 21h pour une émission pop culture. Alors, on n'a pas encore le thème, mais on va vous le faire choisir, ce thème, dès demain sur Insta. Vous allez pouvoir choisir le thème de l'émission de vendredi. D'ici là, passez une très très bonne semaine, bien évidemment. Merci Daniel, merci Jolan, merci Télévision en studio, merci Martin. Pas de couilles. Martin. Eh ben merci Martin. on peut se renvoyer des fleurs comme ça. Merci Audrey et Laura aussi qui sont parties dormir parce qu'elles travaillent demain ou elles ont quelque chose. Merci aux parties dormir évidemment. Qui sont venues tout à l'heure. Ah, puis, c'est la France qui travaille. Tout ça. On se donne une résolution d'arrêter de travailler. Ah mais ça peut être bien. Moi j'ai pas cet objectif parce que le travail c'est la santé. Moi je laisse les autres en bonne santé, tu vois. C'est ça, tu veux que la France soit en bonne santé et tu laisses le plaisir aux autres. Tout à fait. Anna Free in my head sur Indestar pour terminer cette émission. Très bonne nuit et puis à vendredi. Ciao ciao. Ciao. Salut. Bisous. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.